avec moi si tu veux vivre. Et une chose encore. Ce que vous appelez l'enfer, il appelle ça chez lui. Bonjour et bienvenue dans Date de sortie, un podcast qui visite ou revisite des films de manière rétrospective en fonction de leur date de sortie. Ce soir, on vous emmène en juillet 1981. Moi, c'est Jess et aujourd'hui, nous ne sommes que trois parce que Flo n'est pas là. Flo qui, on va faire un disclaimer dès le début du truc, qui a choisi un film qui n'est pas sorti en juillet 1981. C'est trompé, ça. Comme de par hasard, Flo est absent ce soir pour défendre ce choix. Ouais, mais alors je crois que c'est un peu de notre faute. Je crois qu'on l'a oublié au Grand Rex la semaine dernière. En fait. Tout à fait. Je crois qu'il y est encore d'ailleurs. Il est encore sur son fauteuil, je crois qu'on l'a oublié là-bas. Mais avec moi, venez de les entendre, j'ai quand même la chance de revoir Storm, avec qui j'ai enregistré hier. Comment ça va depuis hier? Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Après, ça fait longtemps qu'on n'avait pas enregistré pour date de c'est sortie. Vrai. Du coup, ça fait plaisir. Aussi. Et avec moi aussi, également ce soir, c'est Thomas. Thomas qui, je le sens, aura passé pas une soirée extraordinaire. J'espère que tu n'as pas enchaîné les quatre films en une soirée, mais si c'est le cas, ça n'a pas dû être fun. Salut, fausse blonde. Depuis quand est-ce que c'est une insulte d'avoir des mèches blondes? Ce n'est pas, mais c'était un pari que nous avons pris avec Flo et Gravelax il y a quelques jours quand on a enregistré Drôle Vraiment. Et on s'est dit, prochain épisode de date de sortie, le premier de nous deux qui est présenté par Jess, on lui dit salut fausse blonde. Voilà, en souvenir de ce qu'on a enregistré sur le film Gros Dégueulasse qui sortira dans quelques jours. Ah, donc il faut que je découvre d'abord votre épisode de Gros Dégueulasse pour comprendre la feinte qui vient Exactement. Se produire dans cet épisode. Absolument. J'adore quand on est sur plein de timelines. Et non, je te rassure, les quatre films de ce soir, non, je ne les ai pas regardés avant-hier à la suite. J'avais quand même espacé un petit peu le visionnage. Je pense que c'est préférable. Annonçons la couleur tout de suite. Qui est chaud de balancer les quatre titres de films dont nous allons parler ce soir? Et je vais désigner... Je peux le faire. Ok, j'allais désigner Thomas, parce que forcément... Ah, sinon... Mais Storm, vas-y, je te sens vraiment excité à l'idée de pouvoir parler de cette sélection. Donc, on a « Viens chez moi, j'habite chez une copine », donc qui, lui, n'est pas sorti en juillet 80. Merci, pour le Flo. Alors, qui est sorti en janvier 80. Janvier 80, ouais. Voilà, donc je pense que l'erreur, elle est très simple. Hein. Janvier, ça commence par un J, juillet par un J, l'erreur est facile, tout simplement. On parle bien de base, c'est clair. Nous avons Wolfen. Yes. Nous avons À nous la victoire et nous avons Hurlement. Et oui, quatre films que je n'avais pas vus, moi, perso, aucun des quatre. C'était tous une découverte. Si, j'avais vu les quatre, pour le coup. T'avais vu les quatre, Tom, toi, t'avais vu les... Eh bien, on va en parler quand on va parler des films. Je pensais en avoir vu un, et je me suis rendu compte en arrivant vers la fin du visionnage que, je l'avais pas vu. J'avais confondu avec un autre. Ok, lançons-nous tout de suite dans le sujet, et je pense qu'on va commencer avec le film de l'absent. On va commencer avec « Viens chez moi, j'habite chez une copine ». Viens chez moi. Oh non, merde, mon matelas! Bon, je suis viré si je comprends bien. Et tu viens plus me faire chier. Écoute, Cathy. Avec mon sac de couchage, je suis dans tous les coups. Le problème, c'est que j'étais logé par mon patron, alors je suis à la rue, là. Bah, tu veux dormir ici? Ça serait chez Daniel, je dis pas, mais là, c'est chez toi, on se connaît à peine. J'essaierai d'être le plus discret possible. J'ai le cœur comme une éponge spéciale pour filles en pleurs. Heureusement parce que ma tronche, c'est pas vraiment une fleur. J'emballe tout ce qui se présente, les cousines, les belles-sœurs. J'ai le démon du bas-ventre, mon métier c'est drailleur. Viens chez moi. Pour en parler évidemment, vu que Flo est pas là, c'est son binôme. Son ardent défenseur, c'est Thomas qui va nous faire la... le spécialiste mondial des comédies françaises. Ah oui, c'est vrai que... Exactement. C'est vrai que tu as ça à tes crédits également. C'est vrai. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Ça sera un de moins que vous aurez à chroniquer chez vous. C'est déjà ça de vue, quoi. Ouais, je suis pas sûr qu'on y serait revenu, ouais, effectivement. Donc, ouais. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Titre québécois. Viens chez moi, j'habite chez ma blonde, l'eau. Non, je déconne, je l'ai inventé. J'aurais été trop content que ce soit ce... Mais non, c'est pas ça. Un film de Patrice Lecomte sur un scénario de Patrice Lecomte et Michel Blanc, adapté d'une pièce de théâtre qui avait été écrite par Louis Rego, notamment. Il y a Louis Rego. Ouais. Musique de Renaud. Et on en bouffe un petit peu de la musique de Renaud pendant tout le film. Ramon Pipin et Jean-Philippe Good. Date de sortie 28 janvier 81. On a merci Flo. Suffisamment lourdement, voilà. Le budget est introuvable. Je ne sais pas combien d'argent ils ont mis dans ce film. J'ai cherché, mais de partout, je n'ai aucune info sur le budget du film. Par contre, le box-office, c'est un film qui a bien marché. Il y a eu à peu près 2 800 000 entrées France. Voilà, donc pour une comédie début des années 80, franchement, c'est plutôt pas mal. Un film avec, on l'a dit, Michel Blanc, Bernard Giraudot, Thérèse Lyotard et Anémone notamment. Pour vous pitcher le film, c'est l'histoire d'un gars qui est un petit peu un loser, un parasite de la société, un gars, un petit escroc à la petite arnaqueur, semaine, ouais. Un petit arnaqueur, donc, qui s'appelle Guy, donc, qui est joué par Michel Blanc, et qui, au détour d'une ultime arnaque, se fait virer de son boulot, et comme son employeur l'hébergeait, et il se fait virer de son logement aussi. Et il débarque chez son pote Bernard Giraudot, Daniel, qui est un déménageur, et qui habite dans un tout petit appartement parisien avec Françoise, sa copine. Et puis il va squatter. Alors effectivement, au départ, il dit pas combien de temps il va rester. Hein, il dit pas je vais rester une semaine, le temps de retrouver quelque chose et tout. Mais non, il s'installe tranquillou bilou et puis il va vivre sa petite vie, vivre au crochet de ses potes, et puis même réussir à se faire embaucher en tant que déménageur dans la boîte où Bernard Giraudot travaille. Voilà, c'est un film en plus Michel Blanc dedans joue un petit peu, je trouve, à contre-emploi par rapport à son rôle iconique de Jean-Claude Duss dans Les Bronzés. Duss, ouais. Parce que pour le coup, des gonzesses, il arrive en pécho quand même. Dans ce sens-là, d'accord. Ouais, il arrive à en choper un paquet. Parce que normalement, Jean-Claude Duss, c'est sur un malentendu. C'est sur un malentendu qui pécho. Et là non, il enchaîne les conquêtes tranquillement. Les fiancés, d'ailleurs. Oui, il les appelle ses fiancés. Ouais, ouais. Et comme chasser le naturel, il revient au galop. Effectivement, il profite aussi de son taf de déménageur pour essayer de toujours faire ses petites combines. Et puis ses petites magouilles. Et puis il va progressivement entraîner Bernard Giraudot dans sa chute. Voilà, avec lui, quoi. Voilà. Voilà pour le pitch global. Oui. Est-ce que tu trouves ça drôle vraiment ? Viens chez moi, j'habite chez une copine. Allez, c'est parti. Tout de suite, on y va. Non, j'ai pas trouvé ça drôle du tout. J'ai pas vraiment rigolé. Et tout à l'heure, je parlais d'un film que j'avais confondu, et c'est celui-là. J'étais persuadé de l'avoir vu, et en fait, non. Le film que j'ai vu, c'est Marche à l'ombre. Marche à l'ombre. Titre aussi d'une chanson de Renaud. Donc c'est pour ça que j'ai certainement eu ça zappé dans ma tête, et j'étais là, j'ai dit, mais elles sont où toutes les scènes dont je me rappelais et que je ne vois pas là. Et puis à la fin, je me suis dit, mais en fait non, ok, d'accord, c'est ce film-là, je l'avais pas du tout vu, et j'ai confondu avec Marche à l'ombre, qui est dû sortir 2 ou 3 ans après, donc effectivement qui est à peu près dans la même période. Voilà. Et qui parle de quoi, Marche à l'ombre? Eh ben, Ouah, pareil, ça le pitch. Et alors, c'est ça pour fait ça longtemps. Que hein. C'est ouais, c'est pour ça. Que, pareil, je l'ai vu il y a très très longtemps et je l'ai pas revu depuis. Et mais c'est pour ça que j'ai confondu. C'est parce que dans Marche à l'ombre, Michel Blanc, son personnage aussi pécho pas mal de nanas, et donc okay. Et donc est à contre-emploi du Jean-Claude Duss. Et c'est pour ça qu'au début ça m'a fait ça t'a fait marquer. Que c'est, ouais, que c'était ce film-là que j'avais vu. Voilà, tout simplement. En fait, c'est souvent ces comédies françaises là. Or, les bronzés qui maintenant sont ultra multi-rediffusés et puis bon, qui sont vraiment très, très populaires, c'est le genre de film, moi, enfin, je pense Tom doit être à peu près comme moi, c'est le genre de film, moi je l'ai vu, je devais avoir entre, je sais pas, entre une dizaine d'années, entre 10 et 12, 13 ans, tu vois, et c'était tous les films qui étaient très souvent diffusés sur TF1 le soir à 20h30, donc que tu voyais avec tes parents, la comédie un peu, que tu regardais en famille. Donc c'est le genre de film, moi je l'ai vu à l'époque, ouais, je pense qu'il y a 30 ans, et je l'avais jamais revu depuis. Quoi. Okay. Comédie potage du dimanche soir, voilà. Ou du mardi soir. Du dimanche, ouais, que t'avais, ouais, voilà. Ouais. C'est un peu ça clairement. Que le titre me vendait, c'est sans doute pour ça que je l'avais jamais regardé, mais je connaissais le titre, ça me parlait, tu vois, Viens chez moi, je suis sûr que ça passait sur TF1 ou sur France 2 en soirée de temps à autre, et que je l'évitais comme la peste parce que je pensais que ce serait très vaudevillesque. Je dirais pas que c'est vaudevillesque, enfin si, par moment... Par contre, un petit peu, tu dois suspendre ton incrédulité tellement haut que moi, j'y arrive pas à y croire, en fait, à cette histoire. À partir de quel moment tu laisses un mec comme ça t'envahir la vie à ce point-là et tu le jettes pas de chez toi ? Tu gardes pas ce mec chez toi jusque... Et tout à la fin, il se laisse encore entraîner dans ses combines et tu te dis, mais à quel moment dans la vraie vie tu ne coupes pas les ponts avec quelqu'un d'aussi toxique dans ta vie ? Ça n'a aucun sens. T'es pas d'accord, Storm ? Je te vois grimacer. C'est pas que je suis pas d'accord, mais j'ai vu des trucs qui pouvaient ressembler à ça, perso. Moi. Donc, tu veux dire que quand quelqu'un a une emprise sur quelqu'un d'autre, parce que ils sont un petit peu abusifs émotionnellement. Pas une emprise, pas une emprise méchante. Je me comprends. C'est pas une personne méchante dans tous les cas. Mais non, ouais, ça peut arriver. Ça paraît bizarre, mais ça peut arriver. Ouais, mais au point où ça va te coûter ta relation, ton appart, ton job, et tu le laisses quand même continuer à te ruiner la vie. Ah, c'est quand même poussé, tu vois. Ouais. Ah, ouais. Non, mais bien sûr, je dis pas le contraire, mais ouais, je pense. Et ça ressemble à Speak No Evil. Hein. Et tu laisses faire, et puis à un moment. C'est vrai. Ouais. Avec tellement moins bien de maîtrise, tu vois, c'est beaucoup moins insidieux que. Non, mais j'y vais avec mes gros sabots, là. Hein, bien sûr, tu faisais une comparaison à la jazz. Évidemment. J'ai compris. Et je vois ce que tu veux dire, parce que le truc, c'est qu'il. L'idée de caster... Il n'est jamais méchant. Ouais, l'idée de le caster, lui, avec sa petite tête toute innocente, c'est plutôt une bonne idée pour ce personnage-là, parce que tu as de l'empathie pour lui jusqu'à une certaine limite, et du coup, tu peux pardonner certains actes, et tu peux comprendre que le couple le garde quand même sous l'oreille, tu vois, dans l'appartement jusqu'à un certain point. Où il est malin, c'est que dès que tu sens que ça va atteindre une limite, il va faire un truc pour relancer la machine, genre... Quand ça commence à gueuler sur une recherche d'emploi, il va réussir à trouver le moyen de « Hop, j'ai l'emploi, fais-moi embaucher, machin. » Comme ça, tu remets « Ah, bah t'as vu, je retombe sur mes pattes, je vais pouvoir, machin. » Et à chaque fois, il trouve un petit truc pour juste remettre une pièce dans la machine assez pour que ça continue, en fait. Ah, je trouvais pas ça crédible. Franchement, c'est mon plus gros souci avec le film, c'est que cette narratrice est pas crédible du tout. À aucun moment, des gens normaux disent « Ok, ce mec, tu lui offres ton appart, tu le retrouves le lendemain en train de fumer la clope dans ta chambre à toi, pas la sienne, avec des cendres qui tombent sur ta moquette et tout, et elle est là, oh ouais, j'avais pas assez d'espace, mais dégage, tu vois, tu restes pas chez moi. Qu'est-ce que c'est que cette attitude ? Et les gens sont trop gentils et trop cons dans ce film. Il y a un moment où ça va pas. Et surtout, il est malin parce que dès qu'il commence, ouais, ça serait quand même vachement bien si tu pouvais m'héberger une nuit et tout. Et puis, ouais, ok, mais tes affaires, elles sont dans le couloir. Ouais, ok, donc bon, ben, après les deux, trois nuits là, promis, ça ira. Alors que deux secondes avant, il venait de lui dire, je dormirai qu'une nuit. J'aime bien ce côté. Ouais, où il en rajoute toujours un tout petit peu, quoi. Je te sens un petit peu positif sur ce film, Storm. Non, c'est pas ma cam. Honnêtement, je l'ai pas trouvé drôle. Il y a une ou deux vannes qui m'ont fait rigoler, et encore en étant vraiment honnête, c'est ma femme qui m'a fait beaucoup rire. Parce que je crois qu'il y a une vanne qui l'a fait pleurer de rire, sur le coup, j'avais pas compris, et ça m'a fait moi rire. C'est quand il sort, quand il déménage, puis je crois qu'il se fout une écharpe dans le doigt, ou il se coupe, puis il dit « Ah, ça va, c'est une écharpe, ou je sais pas quoi », il dit « Mais fais gaffe, hein, on a vu des mecs, ça s'est infecté, il est devenu sourd-muet. » Non mais putain, c'est quoi ce truc? Ça, moi, ça m'a un peu fait rire, mais ça a beaucoup fait rire ma femme, qui m'a fait beaucoup rire pour le coup derrière. Non mais tu parlais de votre ville, mais je rappelle, hein, c'est adapté d'une pièce de théâtre. En fait, donc, ça se sent énormément. Oui, bien sûr. Mais ça ne se sent que dans les scènes dans l'appartement, parce que effectivement, ouais, toutes les scènes extérieures ont dû, à mon avis, être réécrites, rajoutées, adaptées. Et mine de rien, c'est pas loin de la moitié du film quand même, hein, qui se passe sur des extérieurs, à la piscine, au cirque, voilà, dans les déménagements et trucs comme ça, ou dans son loft à la fin, dans son entrepôt industriel, dans son entrepôt garage, voilà, pas du tout. Tu peux m'expliquer comment en France vous opérez quand il faut signer des bails de location? Est-ce que toi tu peux signer à la place d'autres personnes sans que ces personnes soient présentes? C'est bien non, ce que je pense. Bien sûr que non. D'accord. Tu vois, suspension d'incrédulité. Il prend évidemment beaucoup de largesse avec la réalité, mais c'est pour le propos comique, mais c'est too much, ouais, c'est pas drôle, tu vois. Ah oui, bien sûr que c'est too much, évidemment. Enfin, ouais, ou c'est moi qui suis pas réceptive à cette comédie, je le suis pas de base, donc pas très drôle pour moi. Perso, moi, ce qui m'a fait marrer, c'est je vais appeler ça une caméo d'Anémone, que ah, oui. Son personnage m'a bien fait halluciner. Oui, il n'y a que les plans à 4 qui l'intéressent. Ouais, ça, c'est oui, ça. Et puis ça emmène à un petit quiproquo que tu sens venir à du 300 000 à l'heure, bien avant que les protagonistes le voient venir. Oui. J'aurais voulu savoir pourquoi Flo a choisi ce film, parce que généralement, souvent c'est parce qu'il les a vus, qu'il les a aimés, puis maintenant il se rend compte que c'était nul, mais qu'il nous a infligé le trauma quand même. Je me demande si ce film fait partie de cette liste-là de Flo, ou si lui, il reste un ardent défenseur de « Viens chez moi, j'habite chez une copine ». Je suppose qu'il pourra commenter sur Blue Sky quand on postera qu'on a publié l'épisode. Après, au moins, le film est gentil. Pareil, 1h21, je crois. Ah, ça, oui. Ah oui, très bonne qualité. Ça dure pas longtemps. Ouais, ouais. Effectivement. Mais ça se laissait passer. Comme beaucoup de comédies françaises. Oui, c'est vrai. Après, honnêtement, oui, comme tu dis, Jess, ça se laisse regarder quand même. Je veux dire, ça passe. C'est pas un calvaire à regarder. Je veux dire, t'es pas là toutes les... Oh, mon Dieu. Mais c'est vrai que... Ouais, c'est pas très drôle. Alors après, est-ce que c'est... le film en lui-même qui a trop vieilli au niveau de l'humour et puis qu'on rentre pas on rentre plus dedans. Ah, c'est humour des années 80, hein. on est voilà, total peut-être... on est total dans le splendide et dans les trucs qu'on voyait dans les années 80, après, c'est sûr. Après dans le splendide, il y a des trucs ça marche toujours. Je veux dire, tu prends les bronzés, ça marche toujours. Tu vas prendre Le Père Noël est une ordure, voilà, ça ouais, marche aussi, ouais. Peut-être Papy fait de la résistance pour certains aussi, enfin voilà. Il y a toujours tu arrives à trouver des vannes où tu peux retomber dessus. Là, après, ouais, il n'y a pas grand-chose, c'est plus de vraiment très drôle, quoi. C'est une comédie pas très drôle, en fait. Je suis pas sûre, en fait, je suis pas sûre de comprendre le message de cette, soit de pièce de théâtre, soit de l'adaptation en film, parce que la femme me laisse un petit peu perplexe, où je me dis, ok, donc personne n'a rien appris des événements. C'est soit ça ou tu peux pas te sortir d'un mec comme ça, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'une fois que tu l'as, t'es cuit. Ils s'en sont débarrassés un petit peu parce qu'il est dans son... Il squatte plus chez eux, déjà. Ce qui est quand même une meilleure chose. Mais tu lui donnes pas une espérance de vie fantastique à Guy, hein, à Michel Blanc, parce que le mec, il fait quand même du barbecue en milieu confiné. À un moment, je pense que... Au niveau monoxyde de carbone, ça va pas bien se passer. Il y a des chances, là, quand même. Il y a des chances que les travailleurs se pointent un lundi matin et le découvrent inanimé dans l'atelier clandestin, je pense. Oui, parce que non seulement il fait du barbecue à l'intérieur, mais comme son intérieur est aussi une usine textile avec des petits chinois qui travaillent au black, il peut pas ouvrir les fenêtres. Le truc improbable. Un truc très inflammable aussi. Est-ce que c'est possible de se permettre de louer un appartement de cette taille à Paris quand tu es caissière au McDo? Alors en 1981, peut-être. Peut-être, ouais. Okay. Mais non, ça serait compliqué à mon avis. Aujourd'hui, il faut être en banlieue très très éloignée, je pense. Ouais, parce que là, elle a un beau petit F2 en plein Paris maintenant. Oui, je pense avec un salaire du McDo, c'est chaud patate. Ah, c'est... parce qu'en plus, elle a l'air d'être toute seule à le payer. Parce que le gars, il vit chez elle. Bernard Giraudeau, il habite avec elle. Il habite avec elle, mais il dit à son pote que c'est son appart à elle, non? Ah, oui, mais ah son ouais, appart, je... ça ne veut pas dire qu'il ne participe pas aux frais quand même. Ouais, quoi. Ouais. Ouais, peut-être qu'il paye les principe. Factures qui coûtaient 20 balles voilà. à l'époque. Oh, hey, mais c'est méchant ça tout de suite. Oh là là. Pourquoi est-ce que c'est méchant de dire que les choses coûtaient moins cher avant? J'insulte. Non, tu dis que le mec ne paye rien du tout, c'est ça que ah tu non, dis. Ah non, mais en fait. On a c'est l'impression méchant, que quoi. Lui aussi, il a un petit peu des tendances. Il se laisse assez vite séduire par la personnalité toxique de son pote, tu vois. Où je me dis, lui, ça ne le dérangerait pas trop d'avoir des affaires extra-conjugales. Ou de glander au taf et de voler du vin, il n'est pas forcément... Il arrête jamais son pote, tu vois. Le coup du vin, pour moi, il est autant coupable que son pote. Oui, parce qu'il le laisse faire. Totalement, et il rigole aussi. Et il est bien content d'avoir le vin, donc je le trouve pas... En fait, c'est ça, le plus gros problème, c'est que j'avais aucune antipathie pour aucun des deux mecs. Je les trouvais tous les deux plus cons l'un que l'autre. Et que comme il n'y a aucune progression de leur personnage jusqu'à la fin du film, tu restes un peu sur ta fin, t'es là, ok, mais tout ça, pourquoi? Ce qui aurait pu être sympa si ça avait été... Ouais, après, je pense pas que ce soit le propos vraiment du film, ou alors il le traitait plus gentiment. Ce qui aurait été sympa, c'est de te montrer qu'une personne toxique arrive à sortir du droit chemin une personne qui était bonne au départ. Quoi. Entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Ouais. À réussir à casser son quotidien pour pouvoir l'emmener de son côté. J'ai l'impression que les Coréens le font souvent dans leurs films, mais de manière beaucoup plus subtile. Voilà, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. Je pense que ça, c'est... Après, est-ce que c'est ça vraiment? C'est peut-être ça la trame de fond, mais plus en espèce de truc comique, je sais pas trop. Mais, ouais. Mais ça aurait pu, c'est une idée qui peut être sympa quand c'est bien traité, ouais. Que montrer que tu peux transformer quelqu'un, même aussi bon qu'il n'est, en une pourriture. Enfin, après, là, ou alors, on n'ira pas jusque-là. C'est pas des pourris, des mecs non plus, donc... L'idée, c'était de tourner en dérision et d'en faire une comédie d'une personne toxique comme ça et de l'impact d'une personne comme ça dans ta vie, mais qu'eux voulaient l'analyser sous un prisme un peu plus drôle. Parce que années 80, je sais pas. Je suis pas hyper convaincue, en fait, par le résultat final, mais j'ai pas passé le pire moment. C'était, comme tu dis, c'était non, court, c'est pas, c'était, ça allait ça droit se laisse au but. Regarder, ouais. Ça se laisse regarder, c'était une découverte. Et c'est pas, ça passait, mais... Mais Flo, le film ne coche pas du tout les cases, il n'est pas sorti en juillet 1981, quoi. vous aviez les trucs... Désolé, Flo, mais tu le savais, on te l'avait dit que c'était pour ta gueule ce soir. Est-ce que vous aviez des trucs à rajouter sur le film de Flo? Pas vraiment, parce non, que, pas plus ouais, que ça, comme on l'a dit, il est pas, c'est pas extraordinaire, quoi. Non. Ni dans un sens, ni dans l'autre, d'ailleurs. C'est pas un grand film, c'est pas un très bon film, mais c'est pas non plus une croûte, c'est pas non plus mauvais, quoi. Voilà. C'est juste que il te laisse plutôt indifférent qu'autre chose, en fait. Et ouais. Il souffre, en fait, forcément. Il souffre de la comparaison avec Storm, il en a parlé, avec quelques poids lourds de la comédie française des années 80 qui envoie quand même un peu plus de pâté que ça, quoi. C'est clair. Après, ça reste un bon film, voilà, genre un bon film du mardi soir. Tu es rentré du taf, t'es un peu rincé, tu te mets sur ton canapé, tu prends ton kawa, tu mates, c'est cool, tu vas pas trop oui, te voilà. faire chier, ça dure pas trop longtemps. Ça va pas trop te solliciter. T'as pas besoin d'être t'as pas besoin d'être trop dedans, rien, et puis voilà quoi. Non, je suis d'accord. Ça fait son boulot. Ok, ouais. Du coup, on n'est pas trop fâché que Flo nous ait imposé ce film, même si c'était pas sorti en juillet 80. Non, bien sûr que non. Il aurait pu avoir vraiment pire que ça. Ouais, je suis assez d'accord. Pour une fois, Flo, ça passe. Je suis moins contente du choix pour le prochain. Je suis un peu plus sceptique sur le prochain dessin animé qu'on va regarder à cause de lui, oui, effectivement. Ouais. On glisse juste ça comme ça pour en léger indice. Est-ce que ça vous tente qu'on passe au film de Storm, Hurlement? Oui. Oui. Si vous voulez. Ah, mais Hurlement. Vous n'aviez pas le choix. Oui, de toute façon, on n'a pas trop, notre mot à dire hein, ce soir, Storm. Ah bon? C'est Jess, la matrone, c'est elle qui... faut qu'on file droit, quoi. Apparemment, ouais, j'ai c'est vrai, tous c'est les vrai. Pouvoirs. Je suis le pouvoir exécutif, législatif. Je suis tout ce soir. Je suis la loi. Alors qu'il tentait d'agresser une jeune reporter de la chaîne KDHB, Karen White. Je vois bien que je suis couverte de sang, mais je ne sais pas d'où il vient ni ce qui m'est arrivé. Cela dit, je pense qu'après un séjour de 2 semaines à la colonie, vous serez guéri. Il était là ce matin? Chris, regarde la porte. Bill a été mordu par un loup hier soir. Quiconque est mordu par un loup-garou et survit, se transformera en loup-garou lui-même. Le véritable loup-garou peut changer de forme quand il veut, que ce soit le jour ou la nuit. C'est vrai qu'on ne peut le tuer qu'avec des balles d'argent. Bien sûr, c'est même le seul moyen de se débarrasser de ces sales bêtes. Je cherche ma femme. Donc Hurlement, donc film sorti donc pour moi en juillet 1981 en Allemagne de l'Ouest. Voilà. Ah, c'est important de préciser. Ah, t'as encore été faire une pirouette, toi. Oh, bah, pirouette, elle est gentille, la pirouette, hein, quand même. T'as été cherché dans un pays qui n'existe plus. C'est quand même une sacrée pirouette. C'est pas mon problème, ça. Donc... Donc, film de Joe Dante, hein, Joe Dante qu'on présente quand même pas trop, j'espère. J'étais très, très surpris au générique en voyant ça, ouais. Ah, d'accord, ok. T'étais surpris, sachant que c'est Stom qui avait choisi le film? Surtout que j'avais lu un petit peu le synopsis, tu vois, de départ, pour voir dans quoi je mettais le pied. Et puis, Joe Dante, d'accord, allons-y, pourquoi pas. Ah, donc ouais, surpris, mais positif. Oui, oui. Voilà. Ok. Donc, qu'est son deuxième film? Son premier vrai film, c'était Piranha. Donc, Hurlement. Après, il y a eu Gremlins. On a eu Gremlins 2, L'Aventure Intérieure. Enfin, voilà, Joe Dante, quoi. Alors, comment dire? Parlons du synopsis. Alors, qui n'est pas si simple que ça. C'est un peu le bordel, quand même, le synopsis de Hurlement au départ. Donc on va suivre une journaliste, donc Karen White, donc qui est jouée par Dee Wallace. Donc Dee Wallace qu'on a vu dans E.T., dans Cujo, voilà. Donc qui enquête sur un tueur en série, donc de femmes apparemment. Même c'est pas vraiment super précisé, mais apparemment ça serait un tueur de femmes. Et donc elle se met en... Enfin, lui, il l'appelle, il se met en relation, puis ils vont monter un plan avec les journalistes plus la police pour essayer de le choper. Donc, elle va avoir un rendez-vous avec lui dans un sex shop, où là, elle va se faire agresser par lui, lui va se faire tuer, elle va être traumatisée, et donc, elle va être aiguillée par le docteur Wagner, donc, qui est joué par Patrick McNee, donc, qu'on connaît, nous, beaucoup, Flo, je pense, Flo, Tom, pour Chapeau Melon et Bottes de Cuir. Donc, c'est lui Oui, c'est John Steed. Ah oui, c'est John Steed. No way. Ah oui, tu l'avais pas reconnu, le docteur Wagner? T'avais pas reconnu Patrick McNee? Non. Ah d'accord, ok. Il est aussi dans This is Spinal Tap. C'est possible. De toute façon, il a une filmo de dingue, hein, de toute façon. Donc, okay. Si tu veux aller voir toute sa filmo, tu peux y aller, hein, mais il y a du monde. Et donc, qui va l'envoyer dans un espèce de camp de repos qui s'appelle la colonie. Et où là, il va se passer des événements un peu bizarres. Donc voilà quoi. Alors après, est-ce qu'on spoil ou pas? Ça, je sais pas. Je pense que quand tu vois l'affiche, t'es déjà un petit peu spoilé. Oui, normalement, oui. Je sais un peu. Le film a 45 ans, je pense qu'on peut y aller. Oui, c'est pas faux. Et donc, en fait, alors de toute façon, comme d'hab, on spoil, vous allez voir les films, comme d'habitude. Et donc, cette colonie, en fait, est une colonie de loups-garous. Et donc, elle va se retrouver au milieu de ça. Surprise. Parce que le film s'appelle The Howling. Qu'est-ce qui howl, c'est les wolves, c'est les loups. Du coup, tu vois, le hurlement. Après, au départ, il ne le vendait pas. Enfin, si, c'était su que c'était un film de loups-garous. Mais ce qu'il ne voulait pas, c'est qu'il y ait trop de trucs montrés. Donc c'est pour ça que l'affiche, tu te doutes, ça va parler de loup-garou, mais tu le vois pas, ils te montreront pas le loup-garou. Dans les bandes-annonces, ils s'étaient arrangés à cutter pour que tu vois pas le loup-garou, okay. et essayer de faire passer la bande-annonce pour un espèce de slasher. Comme à l'époque, en 80, t'étais sur le gros pic du slasher. Donc comme ça, t'avais un peu une petite surprise. Donc voilà. Ouais, j'avoue qu'il est pas forcément dans le courant. Parce que années 80, on était à mort dans le slasher. Sur les 81, 82, 83, tout ça, oui, t'étais sur le pic du slasher. Après, des films d'horreur de créatures, ils étaient populaires aussi à l'époque. De toute façon, il faut se dire que Hurlement, avec, pour le coup, avec Le Loup-Garou de Londres, Wolfen moins quand même, mais qui est de la même année aussi, et même Hurlement est pour le coup devant Le Loup-Garou de Londres pour ça. C'est vraiment le précurseur du renouveau du loup-garou au cinéma moderne. c'est le premier qui est arrivé parce qu'il est sorti avant. Hurlement est sorti avant. Le Loup-garou de Londres. Le Loup-garou de Londres. Mmh. Avant le Loup-garou de Londres. Donc c'est vraiment le premier qui a ramené et qui a modernisé le mythe du loup-garou sur le grand écran. Ah bon ? Oui. Ok. Je sais pas trop où je me situe par rapport à cette déclaration. Mais continue. Ah ben, ça dépend. C'est factuellement parlant, ce film qui a ramené le loup-garou. Je suis un peu surprise, qu'on lui attribue cette accolade à ce film aussi. Alors, ce qui peut être très surprenant, je pense surtout pour vous, c'est que c'est un film qui est ultra bien coté, qui est ultra respecté, et qui est beaucoup très apprécié, quoi. Après, c'est tout un... J'allais dire pas un univers, mais... C'est vrai que Jodan, déjà, il débarque sur le projet, c'était pas lui qui était prévu dessus, au départ. Donc, c'était John Conrad, bon, qui est pas plus connu que ça, mais qui devait réaliser le film, puis qui a pas réalisé le film suite à des différents artistiques, plus ou moins. Et donc, ils ont un peu appelé... ils ont récupéré Jodan parce qu'il connaissait un peu machin, puis qu'il a proposé. À savoir que, alors je sais pas si c'est réellement vrai, c'est lui qui le dit, mais je sais pas si c'est réellement vrai ou s'il troll un peu, apparemment il aurait été payé $1000 pour réaliser le film. C'est pas beaucoup, hein. Même en 80, c'est pas loin. C'est pas beaucoup. Alors bon, sachant qu'il sortait de Piranha, qui avait quand même bien marché pour le coup, et donc je me dis, est-ce que c'est réellement vrai ou est-ce qu'il troll un peu, parce que $1000, c'est pas beaucoup. Sachant que le film, où il est ultra impressionnant, c'est quand tu vois le budget du film. Le budget, c'est $1 million pour le film, quoi. C'est rien. Quand tu compares avec la même année, Wolfen, t'es à quasiment 30 millions. Quasiment 30 millions. Oh. Et le Loup-garou de Paris, le Loup-garou de Londres, pardon, je crois que t'es dans les 20 et des patates, hein, en termes de budget. Wolfen, c'est pas 30 millions, hein. On est vachement en dessous, 17. Ouais, oh, ouais, bon. 17 millions. Dis-toi qu'il y a 17 fois moins sur Hurlement. Ouais, alors là, par contre, ça m'étonne en positif, parce que ça ne pue pas la fauchette, tu vois. T'as l'impression qu'il y a, y a des pétouilles derrière. Surtout alors au niveau des VFX. C'est ce qui, moi, va toujours me fasciner et me plaire, c'est qu'après, c'est Joe la débrouille. Les mecs, c'est des marchands de tapis, c'est exceptionnel. Joe Dante, j'aime bien pour ça. C'est Rob Bottin qui est au... Déjà, c'est Rob Bottin. Hein. Ouais. Rob Bottin qui, lui, avait déjà bossé avec Joe Dante sur Piranha. Au départ c'est Rick Baker qui doit être sur Hurlement, et au final Landis l'appelle en disant, écoute, moi je vais faire le Loup-garou de Londres, je voudrais bien que tu viennes. Donc il lâche Hurlement et il dit, je vais vous filer Rob Bottin, qui était son protégé à l'époque. D'ailleurs, il y a eu des histoires entre les deux, entre Rob Bottin et Baker, des histoires de femmes apparemment. Donc toujours les gonzesses. Non, je déconne. Apparemment, Rob Bottin aurait pris la femme à Rick Baker. C'est salaud. Donc, ce qu'ils sont un peu fâchés par la suite. Et donc, Rob Bottin arrive là-dessus. On lui donne un budget, pareil, c'est ouf, de 50 000 balles pour les effets spéciaux du film, quoi. Tu dis $50 000, tu dis pour faire... Ça, c'est le budget total pour tous les effets du film. Il a gratté un peu parce qu'il s'est des malins. Hein. Derrière, ils ont sorti les tapis, puis ils y ont été. Au départ, il a 50 000 balles. Et quand tu vois ce qu'il fait avec 50 000 balles, il fait quasiment tout ce que tu vois, sauf les costumes complets. Parce qu'il n'y avait pas assez pour faire les costumes complets. Donc, il gère la tête, les mains, les jambes, et une partie des jambes, même pas tout. Donc, en fait, la tête, c'était une animatronique posée sur une armature acier. Enfin, voilà. Et puis après, des maquillages. Et donc, en fait... Ils avaient, pour essayer de pallier ça, il a fait du stop motion. Il a créé des plans en stop motion de créatures. Et en fait, ça rendait pas tellement bien. Et en négociant là-dessus, ils ont dit, quand ils ont mis la projo plus ou moins test au producteur, ils ont dit, ça rend pas tellement bien. Bon, on va te filer une rallonge pour que tu puisses faire un peu plus. Donc, il a récupéré, alors je sais plus, 30 ou 40 000 dollars. Enfin, je crois qu'au total, t'as moins de 100 000 balles d'effets spéciaux sur tout le film. Mais il y a quand même des trucs qui sont pas en... qui sont, je sais pas, en CGI ou en... Il y a un plus ou moins... C'est pas un matte painting, c'est sur une planche de verre. Tu sais, il dessine sur la planche de verre et puis il filme dessus. Ça, c'est la... C'est du matte painting. Oui, c'est un matte painting, voilà. Près du feu de camp, c'est ça. C'est plutôt d'habitude, tu filmes ta painting derrière. Là, c'est en fait, il peint sur une vitre et il filme au travers de la vitre pour incruster le truc devant. Et c'est, voilà, c'est le seul plan qu'ils ont gardé pour la transformation en loup-garou au feu de camp, parce que bah, de toute façon, il a dit clairement, on n'avait pas les moyens, ni les moyens financiers, ni les moyens techniques de pouvoir le faire. De toute façon, c'est clair, en 80, c'est impossible. Donc ça, ils l'ont gardé. Et le reste, ils s'en sont servis. Quand ils ont projeté, non, ça fait pas beau, donc effectivement, ils leur ont filé une rallonge. Là, il a pu créer le loup-garou complet, c'est-à-dire l'animatronique complet du loup-garou. Et honnêtement, c'est un truc de ouf. Puis après, bah, moi, ce que j'aime, c'est Joe la débrouille. C'est... Pour les gonflements, c'est des préservatifs qu'ils mettent sous de la peau du latex. Et il disait, alors, celui qui jouait Eddie, alors attends, j'ai pas noté son nom. Celui qui jouait Eddie, c'est Robert Picardo. Eddie, c'est qui dans le film ? Eddie, c'est le tueur, celui que tu vois au début. Ah oui, d'accord, oui. Et qui se transforme, qu'à la grosse transformation de loup-garou, qui dure quand même 3 minutes, hein, la transformation. Sur son faciès, ouais. Voilà. Et lui, il disait que c'était un truc de ouf. Donc, il lui collait des préservatifs sur la tête, il remettait du latex par-dessus avec des tubes en dessous. Et derrière, t'avais tous les opérateurs qui soufflaient dedans, à la bouche, dans le tube, pour faire les gonfler et dégonfler les trucs. Le maquillage, c'était un truc de dingue. Ça prenait plus d'une demi-journée. La première fois qu'ils ont fait le maquillage, alors ils l'ont envoyé au maquillage, donc hop, et il maquille. Jonathan, il fait c'est bon, ouais, bientôt, ok, c'est bon. Puis il le retourne. Donc c'était le matin à 10h. Le mec est sorti du maquillage, il était 21h, quoi. Et puis Jonathan, il a dit bon, bah, on n'a pas pu tourner parce que malgré qu'on n'était pas un tournage syndiqué, on a dit aux gens bon, bah non, bah rentrez chez vous, puis on tournera demain matin, quoi, de la Suisse. Donc, mais pour l'époque, c'est un tour de force, hein, ce qui a été fait en termes de maquillage et d'effets spéciaux, c'est un truc de dingue, quoi. Ça, je te l'accorde, que les effets spéciaux, surtout la transformation dont tu viens de parler de Ellie en gros plan, qui dure très très longtemps, où tu te dis... 3 minutes. Wow, c'est ouf, ça dure 3 minutes, quoi. Ouais, et toutes ces prothèses... La gonzesse, elle pense même pas à se barrer pendant ce temps-là. Oui, ah bah évidemment. Ça, oui. Ah, oui, bah ça, elle attend. Ouais. Après, moi, peut-être, je serais curieux, j'attendrai quand même de voir à la fin quoi il ressemble. Oui, voilà. Où est-ce que ça mène, cette histoire? Alors... C'est vrai que tu te dis, tu voudrais faire une parodie de ça, ça serait énorme. Mais c'était... Oui, c'est ça. C'est bien, mais ça dure un peu. Sachant qu'il n'a pas eu l'Oscar donc, cette année-là pour sa transformation, c'est Rick Baker qui l'a eu pour le loup-garou. Voilà. Qui est aussi vraiment pas mal dans le... Il a perdu sa femme et il a eu un Oscar. Ouais. Alors je sais pas si c'était au moment du roulement que l'histoire de la femme, de toute façon 81 c'était plus ou moins l'année des loups-garous, puisque tu as eu donc le loup-garou de Londres, tu as eu Hurlement, tu as eu Wolfen, le loup-garou tu vas le voir aussi cette année-là dans Monster Squad, il y a eu beaucoup de films de loups-garous en 81. Est-ce que ton avis sur les Hurlements reste inchangé? Parce que je pense que tu es fan. Sur le film ou sur la saga? Parce qu'il y a 8 films. Ah, c'est une saga. Oh my god. Ah ouais. What? Alors, si ça peut vous rassurer, il n'y a que le premier qui est bien. Comme ça, c'est réglé. Le 2, par contre, si, c'est un super gros nanar, le 2. Là, par contre, le 2, c'est un gros nanar. Il faudra en discuter avec Gray, mais je pense qu'il est d'accord avec moi là-dessus. C'est un gros nanar. Ils ont quand même réussi à avoir Christopher Lee là-dessus. Tu dis, waouh, chapeau quand même. Qui lui-même s'est excusé à Joe Dante d'avoir tourné là-dedans. Je trouve ça très drôle. Donc oui, c'est une saga après qui est partie dans tous les sens, mais comme beaucoup de films de cette époque qui sont transformés en saga interminable, que ça soit du Freddy, du Vendredi 13, du Halloween, de tout ce que tu veux, qui sont partis dans des trucs à jamais vouloir s'arrêter. Alien. Donc, oui, moi j'aime beaucoup. Mais ton opinion sur le premier, du coup, pas sur la saga, parce qu'on l'a pas regardé pour l'épisode. J'adore toujours ce film, mais je comprends. Enfin, le problème, c'est, et je crois que c'est Joe Dante qui le dit dans les bonus du film. Et non, c'est peut-être pas Joe Dante, ça doit être le producteur. Enfin bon, et je pense qu'il est d'accord, c'est que c'est un film, il faut l'avoir vu quand t'as entre 13 et 15 ans. Et quand tu l'as vu à cette époque-là, c'est un film qui va te marquer et que tu vas garder avec toi. Par rapport à la connotation sexuelle? Peut-être, non, mais par c'est rapport à ton âge... C'est une question sérieuse. Oui, non, c'est possible, parce que le film traite effectivement beaucoup de la sexualité... Ouais, c'est vrai, de la sexualité refoulée. Possible, il y a ça, puis il y a le côté, je pense, spectaculaire de toute la transformation qui, quand t'es gosse, c'est un truc, ça va te marquer. Je veux dire, c'est quand tu vois ça, que t'as 15 ans, tu fais, oh putain, c'est fou, quoi. Après, est-ce que la... Ouais, à 15 ans, ouais, je pense que la connotation sexuelle peut marcher aussi, parce que c'est vrai que le film fonctionne beaucoup là-dessus. Lui, il disait aussi qu'il voulait se moquer. Alors après, je le trouve pas forcément C'est pas que je suis pas d'accord avec lui, parce que c'est quand même son film, je pense qu'il sait ce qu'il dit, mais je trouve que c'est peut-être mal amené. Lui, il pensait se moquer de tous les gourous d'époque, des gourous de psychanalystes là, qui montaient des colonies, enfin des trucs, machin, essayer de montrer que c'était ridicule, machin. Alors, je sais pas, je trouve pas ça que ça soit super réussi pour le coup dans le film. Avant de céder la parole à Thomas, je veux te demander, Storm, quelle critique penses-tu que Thomas va émettre à l'encontre de ce film ? Ouais, je pense qu'il va trouver ça chiant. On fait du rétro psychologique. Non, je pense que ça va pas être sa cam, mais je peux comprendre que ça soit pas sa cam, parce que c'est le genre de film. Si c'est pas ton truc, je pense que oui, il va reconnaître qu'il y a des bonnes choses, parce qu'il y a des bonnes choses. Après, il y a des trucs, c'est long. Après, le film commence bien. Moi, j'aime bien. Il commence un peu comme un espèce de thriller, enfin, de policier un peu glauque et tout. Quand ça suit, c'est pas mal. Après, c'est vrai que la partie quand tu pars dans la colonie, ça peut être un petit peu creux. Thomas, il va pas aimer. Thomas, qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans ce film ? J'ai pas de souci avec ça. Storm, il commence à bien me connaître. Oui. Non, effectivement, j'avais pris quelques petites notes et j'ai trouvé ce film d'un ennui mortel. J'ai trouvé le scénario totalement vide et l'acting vraiment pas top. Ce qui fait qu'en fait, j'ai pas trouvé grand chose pour sauver l'œuvre. Ça surjoue pas mal, ouais. Ouais. À part, effectivement, les effets visuels, les effets spéciaux qui sont top. Et encore. Le fait de les avoir trouvés top, pour moi, ne sauve pas forcément le film. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître pour l'époque la qualité du travail qui a été fourni. C'est clair, ce serait malhonnête de dire le contraire. Voilà. Mais maintenant, c'est vrai, moi, je me suis fait chier en regardant ce film parce que j'ai trouvé que ça avançait pas ou à deux à l'heure. Et tu vois, et même le début, je me suis dit, putain, j'ai dit, c'est quand même bizarre. Enfin, c'est quand même, curieux et un petit peu presque contre la déontologie de journaliste. En fait, d'aider la, c'est pas le rôle d'un journaliste d'aider la police à coincer un criminel. Alors, ok, on peut entendre, mais normalement, le journaliste, il est là pour interviewer ou raconter une histoire ou voilà, dire comment les choses se sont passées et pas pour utiliser son rôle pour coincer un criminel aussi abject soit-il, quoi. Il voulait porter aussi une critique sur les médias, médias d'époque, avec la surmédiatisation puis les gens qui... Enfin, ce qu'on a à l'heure actuelle maintenant, où t'es over-médiatisé de tout, avec les fausses infos, tout ça, et puis voilà. Alors, d'accord, mais Network le fait beaucoup mieux. Voilà, c'est à ce moment-là, si on veut une bonne critique des médias, regardons Network, quoi. Voilà, je pense que c'est quand même un peu plus de corps là-dedans. Voilà. Mais et puis ouais, effectivement, partir sur le camp de vacances derrière, je vois ce qu'ils ont voulu faire, effectivement, comme tu disais, à utiliser et à critiquer ce système de gourou là qui en fait, l'air de rien, voilà, vendent en fait un petit peu leur solution de bien-être et autres. Et en l'occurrence, Patrick McNee, lui, il cherchait plutôt des proies pour ses disciples, quoi, hein, tout simplement, à l'intérieur de son élevage. Ouais, c'est pas vraiment ça, parce que lui, ce qu'il voudrait, c'est que justement que les loups-garous, ils s'attaquent plus aux hommes pour. Bah, lui, ce qu'il veut, c'est s'adapter à la société pour pas se faire voir. Seulement, le problème, c'est que ça marche pas, parce que tu combats un instinct, et l'instinct, c'est ce que disent l'autre. Oui, tu vas pas. Les hommes, c'est notre bétail, on n'est pas voué à manger des vaches, quoi. Ouais, totalement. Mais ça fait un petit peu écho à un autre film dont on va parler. mais oui, donc, le. Comment. De base, film d'horreur, vampire, loup-garou, monstre, etc. Vous savez maintenant que c'est effectivement pas ma cam absolue. Il y en a certains que j'ai, pris du plaisir à regarder, que j'ai plutôt aimé, et d'autres beaucoup moins. Bon, voilà, celui-là, malheureusement, n'en fera pas partie. Je peux que m'interroger, effectivement, sur le fait que si j'avais vu ce film-là quand j'avais 14-15 ans, voilà, quel aurait été mon ressenti. Peut-être que j'ai raté aussi ce type de cinéma dans ma jeunesse, qui fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup moins captif de ça, c'est probable. Ça, je pense, parce que moi, je sais que c'est un cinéma que j'aime beaucoup, mais j'ai grandi là-dedans, dans les vidéoclubs, les trucs comme ça. On allait avec les potes au vidéoclub, t'allais au rayon d'horreur, tu cherchais pas, et puis tu voyais des jaquettes, puis à l'époque, c'était la jaquette, voilà, t'avais la jaquette, parce que bon, t'avais quelques magazines, mais très souvent, c'était la jaquette, donc le mec qui avait la meilleure jaquette du monde, tu le louais, quoi. Bien sûr. Et on a vu des merdes, hein, là, souvent, parce que c'était un peu comme les CD, t'avais des jaquettes, elles vendaient du rêve, mais quand t'avais le film, tu disais « ouh ». Mais c'est vrai que je pense que si t'as pas connu ça vraiment, je peux comprendre que ça soit beaucoup plus compliqué de rentrer dans le cinéma d'horreur des années 80, parce que... Mais effectivement, mais quand moi j'allais louer aussi des VHS au vidéoclub, et que je savais pas quoi prendre, ou que je venais prendre un truc, mais qu'il y avait plus de copies disponibles... Ouais, qui était pas là, ouais. T'allais voir le mec au guichet, et puis tu disais, bah ouais, je voulais ça, mais j'ai pas... Et puis le mec te disait, ah bah attends, si tu voulais voir ça, bah va dans tel rayon, et puis tu vas voir, t'as un truc qui est pas... Tu te feras plaisir en regardant ça. Mais il t'envoyait, effectivement, quand tu venais chercher un film d'action, il t'envoyait rarement au film d'horreur ou au film d'épouvante ou truc comme ça. Donc, c'est vrai que moi, d'instinct, j'allais pas vers ces rayons-là. Donc, un jour, miraculeusement, je me suis retrouvé... Je cherchais un film d'action particulier qui n'était évidemment pas là, puisque bah, quand tu te pointes le samedi à 18h, bah, les meilleurs films sont déjà partis. Ouais. Sont déjà partis. Ouais, bah, oui. Et je me suis retrouvé avec la vidéo de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, et ça a été pour le coup une des meilleures absences de vidéo m'a fait découvrir un film absolument extraordinaire. Mais voilà, pour la petite histoire, voilà, où j'ai eu la chance effectivement de voir Jack Burton l'année d'après sa sortie au cinéma, puisqu'il était dispo en VHS. Mais bon, voilà, j'ai donc pas mis le doigt dans le cinéma un peu horrifique, fantastique, comme ça, et effectivement, c'est peut-être pour ça aujourd'hui que bah, j'ai un esprit très, peut-être, ouais, et puis un esprit forcément beaucoup plus fermé ou critique sur ça, et que je vois d'abord les défauts avant de... Ouais, ouais, là, c'est tout à fait logique, hein, c'est pas... Après, ce que j'avais pas dit, c'est qu'il est tiré d'un livre, aussi. Donc, tiré d'un livre, mais largement, ils sont largement dégagé beaucoup de choses du livre. Hein. Ils ont beaucoup réécrit. Apparemment, quand tu lis le livre, il y a beaucoup de choses. Ouais, beaucoup là, apparemment. Le livre est différent sur beaucoup de choses, apparemment. Un Stephen King ? Non, même pas. Même pas. Non, c'est, je sais plus qui c'est qu'il a écrit. Gary Brancher qui a écrit ça. Voilà. Gary Brancher. Jamais entendu parler. Ouais. Ça me fait assez marrer que vous parliez de la jaquette, parce que je me souviens très bien de voir cette jaquette au Vidéoclub, de ne pas la louer, parce que forcément je voyais que c'était un film d'horreur, j'étais trop petite. Tu voyais des griffes qui déchirent un drap et tu t'es dit non. Je croyais que c'était en ventre d'ailleurs quand j'étais petite, je savais pas que c'était des draps, je croyais que c'était le ventre de quelqu'un et je me dis c'est écrade. Il fallait mieux pas que tu regardes Alien alors. Ouais. Parce que là, c'est pas un drap. C'est un ventre. Ouais, mais après, je crois que j'étais plus petite. Quand tu vois, quand je marchais dans le vidéoclub, je crois que mon père, lui, il regardait les films que lui voulait voir, et nous, on déambulait comme on voulait. Oui. Et je devais m'arrêter à la section horreur parce que les jaquettes étaient toujours un petit peu flashy, intéressantes, tu vois. T'avais envie de voir, quoi. Ouais, il y en a certaines où tu te dis, ça a l'air pas mal. Sur l'inventivité des jaquettes de films comme ça, c'est imbattable. Il y en a tellement qui sont devenus cultes. Mm-hmm. Où, je veux dire, tu montes les jaquettes aux gens, ils connaissent les jaquettes. Ils ont même pas forcément vu le film, mais ils connaissent la jaquette. Quoi. Tu vois, genre la jaquette de Street Trash, tout le monde la connaît. Elle a les deux pieds à moitié rongés de l'acide avec les deux bottes et puis le chiotte derrière. Ça, c'est une jaquette, quand tu la vois, généralement tout le monde l'a déjà vue, cette jaquette. Quoi. Ça me dit rien du tout. Des pieds avec des Je te l'enverrai en photo, mais je suis sûr qu'elle te dit, tu vas me dire, ah oui, j'ai déjà vu. Et il y a tellement de jaquettes de films comme ça, de vidéoclubs, que tu connais de vue. T'as jamais vu le film ou tu sais pas de quoi il parle, mais tu connais la jaquette. Quoi. C'est sûr. Là où j'ai foiré, c'est que avant de regarder ton film pour le podcast, j'ai regardé la nuit d'avant, par pur hasard, le film Ginger Snaps. Enfin, je l'ai re-regardé, si tu veux. parce qu'il était dispo sur Amazon et je me suis dit « Ouh, j'adore, je vais le revoir, ça faisait longtemps ». Forcément, le lendemain, je regarde ton film de loup-garou, parce que Ginger Snap, c'est aussi un film de loup-garou, aussi un film qui va explorer les thèmes de la sexualité, ou la découverte de ta sexualité, l'exploration de ta sexualité. Sauf que Ginger Snaps le fait super bien, et que la comparaison devait s'opérer, tu vois, je les ai vus l'un après l'autre. Alors tu vois, j'adore Ginger Snap, mais je préfère Sans Faux Hurlements. Non, parce que pour moi, Wolfen, autant dans Ginger Snaps, je peux lire des tas de messages, je peux décoder plein de plans, il y a plein de choses intéressantes. J'adore le fait que, de base, l'histoire du petit chaperon rouge de laquelle s'inspire énormément Ginger Snaps, est une histoire qui est censée faire comprendre aux petites filles qu'une fois que tu as tes règles, tu deviens une femme, tu dois prendre des décisions matures. Et quand j'ai étudié ça, on dit en secondaire, je sais pas si pour vous c'est le lycée Je trouvais ça tellement insidieux que dans des fables destinées aux enfants, on essaye de t'inculquer des messages subliminaux où tu es censé penser déjà au fait qu'être une femme, c'est différent qu'être un homme et qu'il y a des changements qui se font. Laissez aux gens découvrir les choses par eux-mêmes. Soit. Autant dans Ginger Snaps, tu abordes tous ces thèmes-là de manière assez brillante, autant pour moi dans Wolfen, comme disait Tom, le scénario est creux. C'est vide. Non, dans Hurlement, tu veux dire. Dans Hurlement. Parce que Wolfen, c'est aussi nul. Dans Hurlement, j'ai l'impression que Joe Dante, le seul truc qui l'intéresse, c'est d'explorer une sexualité pas forcément dépravée, juste hors norme, sous le prisme du loup-garou. Et d'utiliser l'angle bestial. Et parce que c'est vrai que dans la mythologie des choses, le loup-garou et les vampires, il y a toujours une connotation sexuelle, mais la plus dépravée, ce sera souvent avec les loups-garous que tu vas l'associer. Et je comprends pourquoi il a utilisé ce médium-là. Par contre, je trouve que son film n'a pas de message et que si tu veux juste me montrer des élans des pulsions, en fait. Tu veux mettre en image des pulsions, peut-être refoulées pour toi, peut-être pas, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est un film hyper personnel pour lui, quand même, qui parle de trucs qui lui parle à lui, pas forcément à son audience, que c'est très axé sexualité, mais sans donner de message ou de leçon derrière. Je trouve que le traitement des personnages féminins est atroce dans ce film, c'est nul, qu'est-ce que c'est que ça? Qui a écrit ces trois personnages? Je compte qu'il y en a trois. Je ne comprends pas, tu vois, je ne comprends pas la narration, je comprends pas pourquoi la journaliste que tu me présentes comme la femme forte, la femme compétente, qui est sans doute ma protagoniste au début du film, une fois qu'on passe dans l'espèce de colonie New Age, dans le New Jersey, elle s'éteint, alors elle s'éteint, on passe totalement sur son mari, qui, parce qu'elle est dans son lit avec ses médocs à pleurer pendant 30-40 minutes, tu fais « ok, c'est bon, laisse tomber ». On passe sur son mari, je me dis « Oh, revirement de situation, voyons voir où ça aboutit. » Nulle part, parce que son mari n'est motivé que par sa queue et va aller faire du sexe avec la meuf qu'on te présente comme une nymphomane. On te la présente comme ça dans le film. Ça, c'est la nymphomane du coin. Elle est tout le temps à poil, Il va faire, il va faire du sexe parce qu'il est devenu loup-garou, enfin parce qu'il était mort. Oui, c'est vrai. Alors, parce qu'il était con et qu'il est allé se promener tout seul dans les bois, puis il se retrouve chez elle, elle l'aguiche dans sa cabane, il se dit c'est pas très bien, je vais pas rester. Il court comme un détraqué dans les bois et il se fait choper par des griffes et il se transforme. Mais même, tu vois, le mari, il était insipide, j'avais pas envie de le suivre lui tout le long du film, j'étais content qu'on se débarrasse de lui. Après, on sangle sur l'autre journaliste qui a l'air compétente, qui a l'air de vouloir obtenir des réponses à tout prix, et comme dit Tom, elle prend des décisions toutes les plus débiles les unes que les autres, elle aussi part explorer toute seule alors qu'elle se doute qu'il y a un serial killer dans le coin, parce que c'est son enquête qui l'a amenée là. Elle va se promener toute seule, elle dit à personne où elle va, elle se retrouve avec le gars qui se transforme en loup-garou pendant 25 minutes, elle part pas. Il y a un moment où je me dis, mais c'est quoi ce personnage féminin? Il y en a aucun qui vaut la peine. C'est pas elle qui part, enfin là tu... c'est devant Dee Wallace qui se transforme, il est déjà transformé devant l'autre, devant la première, qui tue. Il est déjà en loup-garou. Non, dans l'infirmerie là, c'est pas avec Dee Wallace. Si, quand elle vient... C'est avec la meuf qui le tue. Non, justement, elle arrive et elle trouve sa copine qui est déjà morte, qu'elle lui remet le drap dessus. Mmh. Et puis après, après, il arrive et il se transforme. Mais ça change pas le fait que sa copine, elle avait un coéquipier et elle part quand même toute seule, tu vois. Elle prend des décisions complètement connes par rapport au taf qu'elle fait. Elle part toute seule parce que lui veut pas venir avec elle à ce moment-là. Il dit « je peux pas venir avec toi ». Enfin, c'est complètement con de partir toute seule chercher un serial killer. Personne ne sait où tu es, personne ne sait que t'es ici. Il donc, faut que t'arrêtes de regarder 90% des films d'horreur, Jess. Hein. Ça s'appelle un cliché. Donc... Mais non, mais ici, tout est cliché. Et tout est cliché, mais ne mène à rien. Je n'aime pas un film... Oh, non, c'est peut-être pas ça. J'ai l'impression qu'il a pas de... Il veut exorciser des trucs pour lui, mais il a pas un message ou une histoire à me raconter. Le seul truc que je sauve, c'est forcément les VFX et... J'aime bien la fin, parce que là, je comprends sa critique des médias, comme tu dis, où elle, finalement, son seul espoir, c'est de se changer en direct, en live, pour que un maximum de personnes soient assistent. Et que même là, les gens trouvent le moyen de se dire... Les gens n'y croient pas. Non, c'est ouais, même voilà, là, les gens n'y croient pas. Oh, dis donc, ils ont fait des progrès, quand même. Hein. le petit fun fact un peu con, parce que donc à la fin, elle se transforme en loup-garou. Enfin, on dirait un espèce de petit Wookie rigolo, là. Et en fait, on dirait Michael Jackson dans Thriller. Voilà. Et en fait, c'est juste que parce que dans son contrat, elle avait mis qu'elle devait pas changer en loup-garou. C'était mentionné dans son contrat. Et puis ils l'ont un peu poussé parce que ouais, mais tu comprends, pour la fin, ça serait quand même vachement bien. Alors ils ont refait le contrat. Elle a dit d'accord, mais il faut qu'il soit mignon. C'est pour ça. Ah mais apparemment, dit voilà, elle est gentille, mais sur ses contrats, elle était bien casse-couille. Apparemment. Il y avait plein de trucs, ça je fais pas, ça je fais pas, ça je fais pas. Ouais. Après, je suis désolée, ouais, sur mon échelle des loups-garous, il est pas très élevé, Storm, ton film. Bon, il est juste dans le top 3, je trouve, mais bon, ça... Non, pas pour... Non. Ah, je te l'avais dit la semaine dernière quand on avait échangé un petit peu dessus, et moi, j'avais trouvé, même si j'avais pas apprécié le film beaucoup plus que ça, oui, mais Dog Soldier, j'avais trouvé ça mieux. Ouais, ouais, pareil, ouais. En tout cas, j'avais pris plus de plaisir à regarder Dog Soldier. Ouais, moi aussi. Logique. Enfin, ce qui est compréhensible. Après, il y a 30 ans de différence entre les deux films. Je suis une façon de voir et de filmer qui n'est plus même non plus. Eh ben, alors, je préfère le Loup-garou de Londres entre les deux, nettement. Ouais, pour le coup aussi, parce que déjà, le film sera plus rythmé, l'histoire est plus intéressante aussi. Après, ce qui est hallucinant, c'est que si tu regardes sur la culbute des trois, bah, le plus rentable aurait été Hurlement. Mais je pense que c'est parce que c'est l'aspect sexuel que ça fait, le sexe vend. Et que c'est très imbué de sexualité bizarre. Au niveau rentabilité, ce qui le fait gagner, c'est son coût. Je veux dire, film a coûté 1 million. Il a 1 million, il a rapporté 17. Donc lui, il a rapporté 17 fois sa mise. Le Loup-garou de Londres, je crois, il a rapporté 2 fois sa mise. Et Wolfen, il a perdu 7 millions, je crois. Donc, voilà. Après, c'est toujours l'avantage quand t'as un petit budget. Si ça marche, forcément, tu fais des sous. Tu fais la culbute, c'est clair. C'est peut-être le nom de Joe Dante aussi, je sais pas trop. Non, parce que ce qui est étonnant, c'est que c'est contrairement à si tu vas partir sur du Carpenter qui a eu souvent le problème de l'effet inverse où son film marchait pas sur le coup et marchait après. Là, pour le coup, il a marché à sa sortie, Hurlement. En France, il a fait presque 1 300 000 entrées. C'est énorme pour un film d'horreur et de loup-garou en France. 1 300 000 entrées, c'est énorme, quoi. Surtout que Joe Dante, il n'était pas connu tant que ça. Il a explosé avec Gremlins. Ouais, il sortait de Piranha. Ouais. Après, ce qu'il y a, c'est que Joe Dante, enfin, il a de la chance. Oui, il a un peu de chance dans le sens où le succès de Hurlement, il a ouvert des portes, mais pas tant que ça en fait. Et il s'est retrouvé quand il en parle, Gremlins, en fait, il s'est retrouvé grâce à Spielberg en fait. Mmh. C'est Spielberg qui a envoyé le script et qui a poussé pour que ça soit Joe Dante qui prenne Gremlins. Oui. Mais il a toujours eu Spielberg en étoile. C'est assez rigolo parce que. À l'époque de quand Piranha sort, Universal, apparemment, à un moment, ils étaient chauds pour attaquer pour plus ou moins plagier des Dents de la Mer. Tu vois. Et c'est Spielberg qui a sauvé en disant non, pas du tout, c'est pas un plagiat, c'est une histoire qui raconte machin, donc, et qui a levé, qui a poussé, qui a sauvé le truc à Joe Dante. Et il a une bonne étoile. Mmh. Après, derrière, sur Gremlins, voilà quoi. Là, il explose totalement et à juste titre pour le coup. Est-ce qu'on passerait pas au film suivant? Et je vais rester dans le thème des loups-garous, et donc on va parler de Wolfen. si ça vous tente, mais je vous avais pas le choix. De nouveau, évidemment. Ce soir. On c'est un peu le principe. Sinon, si on avait le choix, non. Bon, bah ok, ce film suivant. Évidemment, on est d'accord avec toi. Non, bien sûr. Mais c'est pour rester sur l'échelle des loups-garous, tu vois. Bien sûr. Vous n'êtes pas en démocratie pendant cet enregistrement. On a bien, compris. En courant. Démocratie de loups-garous. Ouais. On a bien compris qu'on était chez les USA. USA. USA. USA. Ouais, mais ça, elle ne pourra pas le comprendre. Ça non plus. fallait être au Grand Rex la semaine dernière. Wolfen, du coup. For centuries, they have been hiding in the rubble of your cities. The concealed threat. The invisible terror. Chris! You scared me! They can sense the rhythm of your blood. Hear clouds pass overhead. See where you are blind. A force so deadly, it will tear the screen from your throat. Alors, Wolfen. Mais qui avait donc choisi ce film? Wolfen, qui est sorti en 1981 aux États-Unis, c'était la sortie US, qui est un film qui dure 114 minutes, pas très long. Ah bah non, 1h54. Non, c'est pas très long. Ouais, c'est un peu long. Le budget est de 17 millions, le box-office par contre est de 10,6 millions. Donc pas de cul pour ce film. Il a perdu 7, ouais. Ouais, c'est un film d'horreur américain qui a été réalisé par Michael Wadley et c'est son unique long métrage, sans surprise aucune. Et c'est inspiré d'un roman de Whitley Strieber qui s'appelait The Wolfen et qui était paru en 1978. Qui on retrouve dans le cast? Alors on retrouve Albert Finney, qui dans le film ne me disait rien, mais en fait ce mec il était dans Erin Brockovich, Tu vois le... C'est l'avocat. Ouais. Il est aussi dans Big Fish, je me souviens pas de lui dedans, dans Ocean's 12. Ben c'est le... Dans Ocean's 12 c'est à la fin, c'est le Mark, c'est le voleur qui est le père de... comment elle s'appelle? De Catherine Zeta-Jones. Oui, je me souviens pas du tout du plot de Ocean 12. Ok. On retrouve également Diane Venora, qui ne me parle pas. Oh, je voyais que dans sa film... Mais dans sa film, elle était dans Heat. Ouais, elle jouait je me souviens dans Le Chacal. Pas d'elle. Elle jouait dans Le ouais, Chacal. J'ai pas vu le... Mais pour Le Chacal, j'avais écouté l'épisode de nos potes Grey et Gravelax dans le 2 Tribute. Dans le 2 Tribute, ouais. Il parlait du Chacal, ça me donnait quand même pas mal envie de découvrir, surtout la série télé Amazon. Enfin, je crois que c'est Amazon, mais chez nous, elle est pas sur Amazon. Ouais. Ouais, il me la vendait bien. Ouais. Faut quand même surtout découvrir le premier film. Hein. Bah, à la base, oui, j'aimerais bien, mais... La série est tirée un peu en longueur, quoi. Ah, après, d'accord. C'est une série. C'est pas mauvais, hein, mais je trouve. Mais après, c'est une série, c'est logique aussi que ça étire un petit peu, quoi. C'est le format série. Si j'ai le temps, j'y jetterai un œil. On retrouve, et ça me tient à cœur de le mentionner, Edward James Olmos dans le film également. Que alors moi, personnellement, je connais sous les traits du commandant Adama dans Battlestar Galactica. Ouais. Miami Vice, non, cette... Oui, si, ouais. Quand même. Blade Runner aussi. Ouais, Blade Runner, puis Miami... Enfin, la série Miami Vice, quand même. Je ne regardais pas Miami Vice. Ça me parle pas. Je savais pas qu'il avait joué là-dedans, mais il a joué dans la série télé Mayans MC, la spin-off de Sons of Anarchy. Oui, ouais. Oui. Là, il joue le père d'un des motards. Apparemment, il fait aussi une des voix dans le film Coco de Pixar. Oui, Pixar, voilà. J'étais bien contente de voir son nom au générique et pendant 40 minutes du film, je croyais qu'Albert Finney, c'était lui. Je me disais, tiens, c'est bizarre, je me souvenais pas vraiment de son visage comme ça, mais ça doit être lui. J'ai mis une perfette à faire quitter. Alors, deux, trois trucs sur la prod, mais pas énormément. Le film est connu pour son utilisation précoce d'un effet de caméra pour représenter le point de vue subjectif d'une bête, ici d'un loup, un peu semblable à la thermographie, et c'est une technique qui avait été adaptée plus tard par d'autres films. Un petit point sur cette technique. Alors, je pense que John McTiernan a vu ce film avant de faire Predator. Ok, mais après, autant dans Predator, le payoff, il vaut la peine et il n'y a pas une surutilisation de ce point de vue subjectif. Alors que là... Ici, c'est too much, c'est tout le temps. Et ton payoff, il est nul parce qu'à la fin, on n'a pas le droit à une transformation géniale. On n'a pas le droit à une créature qui est terrifiante et qui va nous effrayer puisque pendant tout le film, on nous la vend comme un truc assez fort, assez puissant, qui déchire des êtres humains comme si c'était du beurre. Et en fait, à la fin, c'est deux pauvres loups quoi, qu'ils ont loués aux zoos du coin. Enfin, c'est pas, c'est, tu vois, c'est un petit peu nul. Mais tu m'as fait patienter tout du long avec ton effet à la con de point de vue de caméra subjective. C'est chiant, c'est tout le temps. Et le problème, c'est que ça fait très fauché. Tu te dis, et je comprends qu'il n'y avait pas le budget pour établir la tension avec beaucoup de costumes et de VFX. On vient de parler d'Hurlement qui avait 1 million de budget. Ouais, c'est ce que je voulais dire, mais il suffisait de faire venir Rob Bottin. Voilà, donc lui, 50 000 balles. Hein, donc, la caméra subjective, ok, c'est peut-être inventif, mais c'est too much, surutilisé dans ce film, personnellement. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont utilisé un petit peu la dégradation urbaine du South Bronx qui avait lieu pendant les années 80. Pour leur décor en naturel, quoi, tu vois, en extérieur. Ils se sont dit, tiens, ça colle parfaitement à l'ambiance, et ils ont aussi créé totalement cette église, parce qu'il y a une église qu'on voit plusieurs fois dans le film. L'église en ruine, là, ouais. Et ils l'avaient créée et incendiée exclusivement pour le film. Oh, un truc funny, Dustin Hoffman était intéressé par le rôle de Dewey Wilson. Ah oui, je n'ai pas donné le plot. Le plot du film, c'est assez simple. On va suivre un inspecteur de police qui s'appelle Dewey Wilson et qui est interprété par Albert Finney, et qui a un policier qui est chargé de découvrir les causes d'une série de meurtres assez odieux dans New York, parce que c'est pas cantonné à un seul quartier, c'est ça qui est un petit peu spécial aussi. Et à l'origine, il pense que les meurtres sont des attaques d'animaux, mais à la fin, il va découvrir qu'en fait, il y a plus que ça derrière tous ces meurtres. Je vais pas tout révéler non plus. Donc, Dustin Hoffman était intéressé par le rôle de Dewey Wilson, l'inspecteur de police. Mais le réalisateur du film, lui, il a vraiment insisté pour que ce soit Albert Finney qui ait le rôle. Je suis pas sûre que c'était une bonne idée, parce que je le trouve nul dans ce film. Il ne me vend rien. Je comprends pas du tout la construction de son personnage. Je ne comprends pas qui est cet inspecteur de police. Je suis pas sûre si je suis censée comprendre que oui ou non, il est alcoolique parce qu'il a des traumas, enfin, qu'il a du PTSD ou quelque chose. Je comprends pas trop ses motivations. C'était un peu cringe et gênant, cette espèce de relation un petit peu romantique qu'il avait avec l'autre, la dame qui travaille avec lui, parce que lui, il est un petit peu super vieux par rapport à elle, et qu'il n'y a pas d'étincelle entre eux, donc c'était un petit peu bizarre, malsain pour moi. Je comprenais pas trop, je comprenais pas son personnage, je trouvais pas qu'il l'interprétait bien. Je ne comprends pas pourquoi le réal a poussé pour que ce soit lui qui ait le rôle. Qu'est-ce qu'il amène à ce personnage? Je sais pas comment il était écrit de base, mais je comprends rien. Quelles sont les motivations de ces gens? Il y en a, enfin, j'allais dire, il y en a aucun qui a du sens. Non, c'est faux, le groupe des Indiens, c'est ceux que je préfère. Et d'ailleurs, c'est tellement triste que Edward James Olmos, finalement, tu le vois très peu à l'écran, alors que c'est un des personnages les plus intéressants du film et les mieux interprétés du film. Tu vois, je te disais, par rapport à mon échelle, le tien par rapport à Ginger Snap, c'était pas génial, mais alors celui-ci, Wolfen, on est en dessous de tout, tu vois, on est au ras des pâquerettes de mon échelle des loups-garous. J'ai pas du tout aimé, j'ai dû essayer 5 ou 6 fois de le finir, ce film, j'ai pas réussi. Après, pour moi, c'est pas un film de loup-garou, déjà, de base. Mais c'est lent, c'est hyper lent. Ça te tease un loup-garou tout du long pour, en fait, ne pas dévier sur une histoire où on est plutôt sur des vrais loups. Moi, je suis pas d'accord, ça te tease pas un loup-garou. Mais je suis désolée, si t'appelles ton film Wolfen et que ton affiche, on dirait un espèce de deuil de loup-garou et tout, tu me vends le concept loup-garou un petit peu. Enfin, moi, du moment que j'ai vu qu'il y avait des Indiens, pour moi, c'était plus une histoire de loup-garou dans tous les cas. J'étais sûr que c'était une histoire d'esprit ou un truc comme ça. Pour moi, c'était déjà plus... Mais les loups sont même pas impressionnants. Si tu veux, enfin. Non, mais. Oui, mais le. Enfin. Le problème, je suis assez d'accord avec toi, le film a beaucoup de défauts. Déjà, il a au moins 30 minutes de trop, ce film. C'est trop long, c'est mal écrit, il ne se passe rien, le rythme est impossible. Ah, mais c'est long, c'est très lent. C'est trop lent. Les deux premiers tiers, il ne se passe rien. L'intrigue n'avance pas d'un cul jusqu'à ce qu'il escalade le pont de Manhattan pour aller parler avec les Indiens. Et là... C'est ça. Là, ça commence à bouger. Parce qu'il met des plombes pour comprendre ce qui se passe. Et même sur la fin, il comprend tout. Enfin, il comprend à moitié. C'est les Indiens qui doivent lui exposer. Désolé, on les appelle les Indiens, mais ce sont des natifs américains. C'est ça qu'on dit en français. Oui, tu sais. Mais bon, on va dire Indiens pour le côté facile. Mais c'est pas des Indiens. Ils viennent pas d'Inde. Oui, non, mais d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est péjoratif de dire des Indiens. Le problème, c'est que je suis d'accord. On peut plus rien dire. On dira Indien par abus de langage. On le sait, c'est un abus de langage. Il faudrait pas le dire. Mais je suis sûr que je vais prêter attention au départ et je me tromperai un moment. Je vais dire Indien. Disclaimer, on ne veut pas être poli, mais ça risque d'arriver. Oui. Et non, et justement, pour le coup, ce que je trouve bête, c'est que l'histoire, elle peut être vachement intéressante, justement, par le biais des natifs américains. Parce que c'est quand même une critique de ça, quoi, de l'appropriation des terres, du non-respect de rien, parce qu'ils arrivent, ils prennent tout, ils ont massacré tout le monde, et derrière, c'est plus leur terre, et ils font quand même ce qu'ils veulent quand ils en ont marre. Comme il dit, ils nous ont traités comme des rebuts, ils nous ont mis comme des rebuts, et maintenant, même ça, ils veulent nous prendre, quoi. Et que les mecs, ils en ont rien à foutre juste pour faire du pognon. On va raser tous les quartiers pour faire des immenses immeubles. Il y a une vraie critique avec l'esprit vengeur, donc des natifs américains. C'est cool, il y a un vrai sujet, il y a un vrai... Pour le coup, je suis d'accord qu'il y a plus un thème et un message dans celui-ci que dans le tien, Hurlements. Par contre, c'est très, très mal amené. Oui, ça, je suis d'accord. Ça va être un autre problème. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi. Comme dit, le film a déjà au moins 30 minutes de trop. Il perd trop de temps sur... Comme dit Tom, il perd trop de temps au début. Ça commence pas trop mal, et après, t'as un trou de... Ouais, au moins, je sais pas, 40 minutes. Hein. J'ai l'impression qu'il y a au moins 40 minutes où, ouais, ça n'avance plus. T'es là... Je fais, putain, ouais, ok. C'est une souffrance, y a eu ça. On va à gauche, on va à droite, on va voir ci, on va voir ça. Mais ça n'avance pas. Et il faut que effectivement il arrive sur le pont pour que là hop ça remette une pièce et puis ah ok donc les natifs américains vont faire ça nana et tu repars un peu mais pareil ça dure 10 minutes un quart d'heure et après tu repars sur un truc où ça traîne on va aller se mettre là on va essayer de le chasser, il y a trop de longueur, ils disent on va essayer ou on va faire ci, mais ce qu'on voit nous à l'écran, c'est lui qui se balade dans des rues désertes avec sa coéquipière. Ouais, et il regarde un peu à gauche, à droite, les nuages, le soleil, et tu te dis, ok, mais où est-ce qu'on va? Est-ce que tu vas au moins, est-ce que cette scène va aboutir à quelque chose? Non, jamais. Je comprends d'ailleurs pas comment lui, qui a très très peu d'indices sur ce qui se passe, arrive à se formuler... Ne serait-ce qu'une bribe de potentiel motif, tu vois. Parce que quand il va à la fin voir les Indiens, il a une idée un petit peu de ce qui se passe. Et je me dis, mais comment ? Parce que toi, t'as pas suffisamment d'indices, tu as pas assisté à un. Ah si, peut-être qu'il avait vu la bête. Oh, je me souviens plus. Oh là là. Ouais, ici, à des moments, je crois qu'il se sent observé. Je crois qu'il y a un moment, il en voit un de loup. Et puis quand il se retourne, il est plus là ou un truc. C'est pas très bien fait. C'est mal amené. Et il y a un autre truc que j'ai lu et que j'ai pas compris dans le film, mais apparemment les loups, les esprits, comment on dit ça, les esprits sacrés peut-être des. Oui, oui. Ouais, les esprits. Les esprits, apparemment, peuvent lire dans les pensées des êtres humains. À quel moment le film te l'explique ? Enfin, je suis censé ça comprendre quand ? Je suis censé comprendre ça quand ? Dans le film ? Que les loups, ils lisent dans les pensées de leur potentielle victime ou... Peut-être quand il est fixe, quand t'as l'espèce de plan où le loup... Enfin, j'extrapole là, mais peut-être que... À ces moments-là où t'as des espèces de plans, quand t'as le loup qui fixe longtemps l'autre, qui se regarde les yeux dans les yeux, tu vois ? Enfin, peut-être, je sais pas. Non, désolé, mais non, non. Ça, tu ne le comprends pas, il n'y a pas assez de maîtrise derrière la caméra du tout. Et c'est pas, ces plans ne sont jamais intéressants, c'est jamais beau à regarder, c'est jamais bien étudié. C'est trop lent, le rythme est trop lent. C'est mal interprété, j'ai aucune note positive. Sauf peut-être, comme tu disais, le message est intéressant et t'aurais pu en faire un film plus intéressant, où on aurait plus réfléchi à ce qu'il essayait de dire, qui se perd un peu dans ses méandres soporifiques, en fait. Sachant que le problème que le film soit lent, c'est pas forcément, ça peut ne pas être un problème. Il y a des films lents qui sont très bien. Là, le problème, c'est que les longueurs n'amènent à rien. Que les plans soient longs, qu'il y ait des scènes qui traînent en longueur, c'est pas forcément quelque chose de ça peut ne pas être quelque chose de mauvais quand ça raconte vraiment quelque chose et que ça va faire avancer ton récit ou que ça va poser une ambiance ou que ça va... Enfin, voilà. Là, des fois, c'est long, tu sais pas pourquoi, en fait. C'est juste, ça va traîner et ça va rien avancer, quoi. C'est ça, le problème. C'est tout... Il y a beaucoup de scènes qui servent à rien, en fait, quoi. Je suis assez d'accord. Sont longues et qui servent à rien, quoi. Thomas, je sens que tu es en accord avec nous sur ce film. Ouais. Et encore, des fois, je vous trouve un peu gentil, tu vois. Mais, gentil. Ah ouais, parce que déjà l'intrigue de base, moi je la trouve claquée au sol, quoi. Là, les mecs, des loups qui défendent un territoire, mais qui a déjà été urbanisé depuis des dizaines et des dizaines d'années, quoi. Je dis, oh les gars, si vous aviez vraiment si les Indiens avaient vraiment pouvaient convoquer les esprits, tout ça machin, oh, c'était au moment des cow-boys qu'il fallait le faire, hein. Ah oui, dans le sens là. À un moment, t'attends pas que Brooklyn soit déjà rempli d'immeubles en briques qu'on réduit en cendres pour commencer à t'occuper en te disant, ah, au fait les gars, c'était notre territoire. Ah, attendez, c'était votre territoire 200 ans avant quand même, hein, donc vous auriez peut-être pu réagir un petit peu avant. Enfin voilà, et puis non, puis je reviens sur sur ce que vous disiez, la lenteur du film, tu t'emmerdes à 100 sous de l'heure. Et même quand t'as ce petit quelque chose qui, comme tu disais, Stamp, qui remet une pièce dans le jukebox, c'est pas suffisant, quoi. C'est tout de suite, ça retombe, le soufflet il retombe, c'est ça, ça dure pas, c'est direct beau. Ah ouais. Et pour au final, à la fin, tu alors, ouais, au début, tu peux te poser la question. Ensuite, les Indiens disent, ouais, non, c'est pas des loups, c'est Wolfen. Donc, tu comprends un truc un peu mythique et tout. Puis, en fait, si, c'est juste des loups. Les mecs te décrivent dans les blessures des trucs hyper tranchants, machin. Enfin, à la fin, excuse-moi, mais les loups, ils attaquent le mec, ils le décapitent en un coup de croc. J'étais là, je dis, et les gars, vous pouvez pas faire un petit effort quand même. Vous lui coupez la main, vous le décapitez juste en faisant miaou. Non, c'est pas possible. Ensuite, les mecs se barrent dans l'immeuble. Les loups apparaissent sur la terrasse, à la fenêtre, non ? Tu ne sais même pas comment ils sont montés. C'est fantastique. C'est des esprits, c'est des esprits. Hein. Ouais, c'est des esprits. Non, mais... Waouh, non, c'est... Voilà, c'est... Infernal. Ah, j'étais là. Oui, c'est ça. C'était infernal. Je peux faire un disclaimer parce que j'avais proposé de changer mon film et c'est vous qui avez refusé. Donc moi, je pense que votre purgatoire, vous le méritez. Mais tu as proposé de le changer après l'avoir vu en disant non, je ne peux pas leur imposer non. Ça. J'ai dit que je l'ai proposé en ayant vu le trailer et en vous disant je pense pas que ça va être optimal comme choix. Et vous m'avez dit ouais, on fait pas ça, on change pas les films, alors qu'on avait encore 2 mois avant de... Moi je m'en fous, je connaissais déjà Wolfen, hein, je l'avais déjà vu. Oh, attends, Wolfen, tu nous as proposé de le changer il y a 2 semaines, arrête. Le mensonge. Non, mais ensuite voilà. Là, à la limite, où je serais d'accord. À partir du moment où il était choisi, on l'assume et on le regarde et on en parle. C'est pas. Bah ouais, c'est vrai. Grave. Bah oui, c'est pas grave. Mais j'ai souffert. Où je vais être d'accord avec toi, Jax, c'est pour le coup, oui, Ginger Snap est mieux que Wolfen. Ah oui, mais mieux que Howling. Tu vois, sur l'échelle des 3 films de loup-garou que j'ai enchaîné les uns après les autres, Ginger Snap, c'est au top. Howling, c'est... Ginger Snap, tu l'aimes bien parce que c'est des filles. Je te mets le même film avec des garçons, tu l'aimes plus. Avec le garçon, ça n'aurait aucun sens parce que tu peux plus riffer sur le mythe de Chaperon Rouge, ce qui fait tout l'intérêt de ce film. Ginger Snap, le premier est bien, les deux autres, c'est déjà moins bon. Ouais, je parle pas de la saga entière, je parle du premier film. Qui reste mieux que Howling, qui reste mieux que Wolfen, parce que Wolfen, t'es à zéro. C'est con, parce que j'en avais un meilleur souvenir de Wolfen... J'avais vu pareil il y a longtemps, que j'avais pas revu, mais j'en avais un meilleur souvenir. Je sais pas, il y avait un truc qui m'avait plus plu à l'époque. Et là, c'est vrai que je me dis putain, c'est con parce que le sujet est cool. Et en fait, ça fait que l'effleurer et ça prend du temps sur tout ce qui sert à rien. Et c'est ça, tu dis merde, c'est dans l'autre sens qu'il fallait que tu fasses ton truc, quoi. C'est ce qui est intéressant, mets-y du temps et ce qu'on s'en fout, balaye-le, quoi, avance. Mm. Et c'est con. C'est con parce qu'il y a un vrai truc. Ils auraient pu en faire un vrai bon film, quoi. Et bizarrement, ça a un petit peu des propriétés qui me font penser à certaines histoires de Stephen King, qui aime bien les trucs de, tu vois, attention à ce qui était des terres sacrées des natifs américains, parce qu'il peut arriver des trucs pas fun si tu réveilles les mauvais esprits. Je me demande si le bouquin vaut pas plus la peine que le film, ce qui est plus ou moins sûr, puisque le film ne vaut pas la peine. Donc, non, c'est possible. Je me demande. Il vaut pas la peine, mais je dirais aux gens, si vous voulez vous faire votre avis, regardez-le, hein, y a pas de souci. Hein, dans tous les cas. Hein. Petite dédicace à Mère Green qui, je pense, aime ce film et qui, comme d'habitude, ne sera pas d'accord avec notre avis sur, après, sur un film. Ça me fait chier, j'ai pas envie de le détester. C'est ça qui me fait chier. Ce qui me fait chier, c'est que ça aurait vraiment pu être un bon film, quoi. Un vrai truc cool. Et que tu dis merde, ils ont quand même gâché pas mal de trucs. Surtout qu'à l'époque, c'était quand même. Il n'y avait pas encore trop de films qui pouvaient essayer de traiter du sujet des. En tout cas, du natif. Et c'est ça qui est con. Et je me dis, putain, ils auraient pu en faire quelque chose de vraiment bien, quoi. Je suis d'accord avec toi que. Oh, le film aurait pu être bien s'il avait été fait différemment, mais tu peux dire ça de presque tout ce qui est foiré dans la vie, tu vois. Oui, bien sûr. Ah, ça aurait pu être bien si ça n'avait pas été loupé. Oui, évidemment. Si ma tante en avait, on l'appellerait tonton. Voilà. Non, je suis d'accord. Mais après, on va dire qu'au niveau de l'histoire, vu que c'était un truc qui pouvait changer un peu, c'est con parce que t'as pas beaucoup de films qui vont traiter de ce sujet-là. Autant tu vas prendre un slasher à deux balles, il y en a eu des centaines et des centaines, donc oui, t'en as un mauvais, tu peux en trouver, mais il n'y a pas énormément de films qui essaient de traiter ce truc là et c'est con que dans le peu qui est, ben il soit planté. Il y avait une mythologie sur laquelle s'appuyer un petit peu, oui, effectivement, et ils sont passés à côté d'un matériau qui était sympa à exploiter, ouais, c'est clair. Ouais. C'est ça. Là, je vous rejoins, là je suis d'accord, et ça aurait pu être plus impactant visuellement si tu avais collé avec cette histoire-ci de la façon dont elle est écrite pour le film. Mais je pense qu'ils se sont un petit peu loupés sur tous les points, malheureusement. Je ne vais pas recommander ce film, sauf à mes ennemis. Oh. On va passer à notre dernier film de la soirée, c'est le film de Tom, alors qu'il y a en anglais à plusieurs titres, parce que tu peux le trouver sous le titre Escape to Victory et aussi sous le titre Victory. Victory, absolument. Et c'est un petit peu confusant pour essayer de le trouver sur une plateforme. Alors que nous, c'est à nous la victoire, comme ouais. Ça. Ouais. Voilà. C'est son titre québécois aussi. In 1942, the Nazis thought they were sitting on top of the world, never suspecting that they could be toppled in one conflict, the most unusual battle of the war. It has been decided that a German national team will play a combined team from the prisoners of war of the occupied territories. That's crazy. Hey. Okay, I'm ready to sign up. Sign up, hey. And you ought to be exhibited in Paris like performing fleas? What about me? Get out. A stacked game. The Third Reich's finest against a ragged bunch of prisoners of war. The Germans thought they had it made. They couldn't run about for 90 minutes, they'd be chucking their guts up. Am I good? Or am I good? What's your name? You know my name. Film de John Huston, voilà, qui a réalisé quelques chefs-d'œuvre du cinéma, hein, puisqu'il a fait Le Faucon Maltais, Le Trésor de la Sierra Madre, notamment. Et puis après Quand la ville dort, Moby Dick, L'honneur des Pritzi, voilà, dans les films les plus connus. J'avais beaucoup d'espoir John Huston, une musique de Bill Conti, et voilà, bon, on verra que au gré du film la musique elle est pas plus remarquable que ça, hein. Un budget de 10 millions de dollars et un box-office de 27 millions de dollars monde, il avait fait 180 000 entrées en France, voilà, ce qui est pas ce qui était contre 1 million contre 1 million 3 pour le moment quand même, hein. Hein, tu dis ça, tu dis rien, hein. Hein, voilà, hein. Exactement. La date de sortie, eh bien, c'était en juillet 1981 aux États-Unis et en Union soviétique. En France, on y a eu droit un petit peu plus tard, en septembre. Voilà. Dans la distribution, Sylvester Stallone, Michael Caine, Max von Sydow, Pelé. Et puis, pour le côté Frenchy, Jean-François Stévenin, Carole Laure. Voilà, dans les personnages reconnaissables. Quelle belle femme, Carole Laure. Ah, Carole Laure à son prime, hein, années 80. Ah oui. Très belle femme. Ouais. Alors le pitch rapidement, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale dans un camp de prisonniers en Allemagne, où lors d'un échange entre officiers, un officier britannique et un officier allemand ont l'idée d'organiser un match de football, entre les des joueurs de football allemands et des prisonniers de guerre, au départ britanniques, mais finalement la composition de l'équipe sera étendue à toutes les nationalités, prisonnières et détenues dans les prisons de guerre allemandes. Les prisonniers voient là effectivement la bonne opportunité pour pouvoir planifier une évasion pendant la tenue du match de foot. Quelques petites anecdotes avant qu'on parte sur le film en lui-même. Lloyd Bridges, Clint Eastwood ou encore Alain Delon ont été envisagés pour le rôle titre. Et j'aurais rigolé, Alain Delon, ça m'aurait fait rigoler. Alain Delon à la place de Stallone, ça aurait été... Ouais. Et Roger Moore a failli incarner le Colby, le rôle de Michael Caine. Alors, on a vu dans le film que Sylvester Stallone ignorait les bases du football européen, du soccer. Ouais. Il s'est entraîné pendant le tournage du film, de son film précédent, Les Faucons de la Nuit. Et il a reçu notamment des conseils de Gordon Banks, célèbre gardien de but anglais. Il a d'abord été peu attentif aux conseils, et puis l'acteur américain s'est blessé à l'épaule et a été ensuite beaucoup plus à l'écoute, bizarrement. En plus de Pelé, plusieurs véritables footballeurs sont présents dans le film, et notamment des joueurs de Ipswich, qui était à l'époque un club phare du championnat anglais. Sur le coup, il y en a un, j'ai cru que c'était Luis Fernandez, je te jure, il ressemble trop, quoi. Après, ça peut pas être lui, mais... Alors qu'ils ont affublé Pelé du nom de Luis Fernandez. J'étais mort de rire. Le tournage a eu lieu de mi-80 à fin 80, et les scènes du match final, censées se dérouler au stade olympique de Colombes à Ives-du-Manoir, sont en réalité tournées dans la banlieue de Budapest. Voilà, quelques scènes ont été tournées à Paris. Et à la fin du film, Stallone, donc qui joue le gardien de but, arrête un pénalty qui permet à son équipe d'arracher le match nul. Un des joueurs acteurs qui s'appelle Osvaldo Ardiles se souvient, il n'arrivait pas à attraper la balle, il y est parvenu au bout de la 17e reprise. À ce moment-là, nous, les joueurs, aurions dû nous jeter vers lui pour le féliciter, mais nous n'avons pas réagi, ça faisait tellement longtemps qu'on attendait qu'on avait complètement décroché. Oh non. On discutait de ce qu'on allait faire le soir et on s'en foutait totalement. Houston nous a poussé une gueulante et il a fallu encore attendre 15 autres essais avant que ce soit dans la boîte. Oh merde. Oh non. Alors effectivement, donc le film se termine par le match de foot. Est-ce qu'on commence par ça ou pas? En tout cas, pour moi, c'est le. Il y a deux parties dans le film. Oui. Après, c'est plus ou moins inspiré du fameux match de la mort aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Oui, ils le. Ouais, c'est un libre. Là, c'est pour le coup, c'est libre. Ouais, ou inspiré, ils en font d'ailleurs pas référence du tout au début non. ou à la fin du film. Ouais, ils en parlent pas. Ils font pas d'encart ou comme ça pour le dire. Ils osent même pas inspirer de faits réels ou pas là-dessus. Vrai. Ouais, effectivement. Mais le film au départ, pour moi, il est plein de promesses sur le début du film. La moitié, les deux premiers tiers, on est sur un film de prison de guerre. Ça rappelle forcément La Grande Évasion. Sans niveau, par contre. Ouais. Ben non, il n'y a pas. Déjà en termes d'acteurs, voilà, il y a pas toute la brochette qu'il y a dans la Grande Évasion, mais ça arrive quand même à avoir un certain intérêt. Au départ, alors comme je connaissais à peu près le déroulé, le pitch du film, j'étais très surpris de voir Stallone réussir à s'évader, parce que pour moi il fait le match à la fin. Ouais. Je comprends après dans le déroulé du film pourquoi il se retrouve à faire le match, mais je trouvais voilà que voilà son comment la construction de son personnage et de son histoire un petit peu indépendante au sein de la prison est intéressante. Ensuite voilà il réussit à s'évader. Et il mène en fait son propre truc à l'extérieur comme il l'entend, jusqu'au moment où on lui dit bah non, va falloir que tu retournes en prison. Faut que tu y retournes parce que on a des messages à faire passer. Bon, pas de bol. Voilà, toutes ces petites histoires arrivent quand même à capter ton attention et te faire trouver de l'intérêt au film. Et puis bah malheureusement, il y a tout ce dernier tiers qui n'est que le match de foot quoi à la fin. Et puis c'est très mal joué, c'est très mal filmé. Parce que c'est le problème en fait d'un réalisateur de cinéma, c'est que c'est un réalisateur de cinéma, c'est jamais un réalisateur d'événements sportifs, voilà. Ouais. Et on le voit avec Clint Eastwood dans Invictus, hein. C'est pareil, il sait pas filmer le sport, il sait pas filmer le rugby. Bah là c'est pareil, John Huston pour filmer du foot, c'est pas ça. Et puis bah quand tu mets en plus des vrais acteurs qui ne sont pas des bons footballeurs avec des footballeurs, c'est la mayonnaise elle prend pas. En fait, t'as l'impression de regarder un match de Détroit départemental joué à deux à l'heure par des papis de 60 ans quoi. En fait, et c'est criant, c'est moche. Enfin voilà, c'est pas beau et ça capte pas ton attention. Ouais, Jess. Faut te poser une question. À qui s'adresse ce film ? J'en sais rien. D'après l'auteur, d'après le... Non ? Parce que moi, j'ai l'impression que ça s'adresse à des enfants. De par la représentation, notamment dans le POW, le fait que leur vie... Certes, ils sont en prison, mais moi, un camp de prison allemand, je n'imagine pas comme ça, ouais, tu vois. J'imagine ouais, avec des officiers un petit peu plus durs, un petit peu plus stricts. Je pense que tu t'échappes, tu reviens, tu te fais tirer une balle dans la tête, ils te mettent ouais, pas dans un petit... Dans la grande... Et dans la grande évasion, c'est pareil. Hein. Je ne l'ai pas vu. Camp à Papa Schulz. Ouais, c'est... Mais attends, dans À nous la victoire, à un moment, c'est limite du Papa Schulz, hein, quand même. Hein. Ouais. Ouais, c'est clair. Mais dans la grande évasion, Steve McQueen, il s'évade deux ou trois fois, pareil. Hein. Il est envoyé au trou deux, trois jours pour être puni, mais pas plus. Hein. Donc oui, effectivement, je pense que pendant la guerre, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Ouais, c'est un petit peu le problème que j'ai avec. Parce que je trouve que... j'ai pas trouvé ça nul. Ça, un petit peu comme le film de Flo où je l'ai regardé, j'étais pas trop distraite tout le long, sauf sur la fin, comme sur le dernier tiers. Et c'est vrai que c'est sans doute parce que c'est mal filmé en fait le match de foot que tu te rends compte qu'il y en a certains qui jouent plus ou moins bien et qu'il y en a d'autres ils savent pas aligner trois pas, tu vois. Tu te dis, je pense pas qu'il court après une balle pendant 90 minutes. Bah, et Stallone en gardien de but, ouais. Tu dis, c'est une blague. Quoi, ouais. C'est jamais de la vie. Quoi. Pour ceux qui l'ont vu, ça vaut le match de foot du Führer en folie. Hein. Ah ouais. Ah ouais, ouais. C'est une blague du début à la fin. C'est n'importe quoi. En plus, ce qui est con, c'est qu'ils auraient pu justifier facile de le mettre au but en se disant, lui, il fait du foot américain, ouais. Il joue beaucoup avec les mains, donc il est meilleur avec les mains qu'avec les pieds. Mais même ça, ils jouent pas, ils le prennent pas comme excuse, tu vois. Non, mais ce que moi, j'aimais bien, parce que quand j'avais lu que Stallone était dans le film, je ne comprenais pas comment il allait être intégré à cette histoire. Parce que en soi, on est déjà dans un camp de prisonniers où tu as beaucoup plus d'anglais et d'européens que d'américains. Deuxièmement, le foot, c'est un sport plus européen, enfin occidental, oui, ouais, c'est pas très américain. Oui, et du coup, je voyais pas trop comment le Sylvester Stallone allait pouvoir intégrer cette histoire et ce casse de manière prédominante plus européen. J'ai trouvé pas ça con qu'ils en fassent un homme qui ne sait pas jouer au foot. parce qu'il est américain et qu'ils s'y connaissent pas et que finalement ils sont intégrés dans l'équipe pour raison X. Et au final, tu le mets au but, qui est quand même un des postes les plus importants à la fin, et tu le mets au but. Mais c'est pas parce qu'ils sont obligés, parce que l'autre gars ne peut plus venir. Non, c'est parce que ouais, ils doivent l'avoir dans l'équipe pour machin et ils pètent la main à l'autre, c'est ça, au gardien de ciel. Dans les barracks. Oui. Ouais, mais c'est vrai, comme je te dis, ils auraient voulu justifier qu'il soit bon au but, t'aurais pu, tu le mets dans l'équipe en disant bah oui, c'est un joueur de foot américain, eux ils utilisent beaucoup les mains, donc il est bon avec ses mains, et il est, tu pouvais une petite pirouette comme ça, ça pouvait passer en plus. Mais moi je crois que c'était une note comique en fait, puisque j'avais l'impression que le film s'adressait plus à des enfants ou à des familles, je me dis bah oui, la note comique c'est qu'il est complètement nul et qu'il va se retrouver à devoir être au goal à la fin du match, le match contre les Allemands. Mais c'est avec le fait que je comprends pas à qui le film s'adresse que j'ai des problèmes avec le film. Parce que après l'avoir fini, je me dis ouais, mais le message est quand même plus trop adulte que pour s'adresser que à des enfants. Et en même temps, le film ne me fait prendre rien au sérieux. Ni la guerre, ni le résultat, si tu veux, l'outcome du match de foot. Ni même le sort de ces prisonniers qui finalement ont l'air de vivoter correctement en camp de concentration. Enfin, de... C'est un camp de prisonniers, c'est pas un camp de prisonniers, ouais, c'est pas la même chose. En fait, ce qui est compliqué, je pense que ce qui est compliqué, c'est que ils ont voulu, ils veulent parler d'un sujet sérieux, ils veulent montrer que tu peux, mais tu te dis, je pense qu'ils avaient peur de, c'est pas de la censure, mais de choquer. Alors, on va essayer de te montrer, on va faire une rébellion positive en te montrant qu'avec un match de foot, on peut s'en réameuter les foules. Enfin, voilà. Mais il fallait rester sur un truc un peu tout bon enfant. Donc, effectivement, tu as l'impression que c'est une guerre, mais que c'est pas la guerre méchante. Comme dit, tu t'évades, ouais, tu prends limite un coup de pied au cul, tu fais une journée au mitard. Tu as l'impression que tout le monde est gentil. Il n'y a qu'au début, où quand t'as le mec qui s'évade, qui le flingue gratos, où là, tu dis, ah ouais, au final, bon. Et après, ouais, une fois que ça s'est évacué, il n'y a plus de tension, en fait, entre guillemets. Et même quand t'as le côté, l'autre, il dit, ouais, il faut à tout prix qu'on gagne. Donc, tu sais très bien que les Allemands, ils vont tricher, machin. Mais même ça, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de rébellion. Il n'y a rien. Enfin, je sais pas. On dirait qu'ils n'ont pas voulu choquer, en fait. Ouais, et puis cette espèce de morale sportive à deux balles au moment de la Seconde Guerre mondiale. C'est, les mecs, à la mi-temps, sont censés s'échapper par un tunnel. Et puis, ils descendent tous. Et puis, il y en a un qui dit... Non, on va gagner. Ah ouais, mais non, mais... non, mais attends, mais il faut qu'on gagne le match, là. Et tout le monde se dit... Ah ouais, t'as raison. On y retourne. Alors que... Et les gars, il y a un truc qui est quand même plus important qu'un match de foot, c'est la liberté, quoi. Ils voient la symbolique de la chose, mais bon, c'est vrai que en vrai, tu te dis, oui, ça marche bien dans un film, la symbolique, c'est cool, ça. Ouais. Mais en vrai, non, tu te serais barré. Dans la vraie horreur de la guerre, mais tu te casses, c'est sûr, jamais de la vie, tu reviens. Si tu peux te barrer, tu te barres, quoi. Surtout quand tu vois comment la première mi-temps est arbitrée, tu te dis, il n'y a aucune raison. En plus, tu sais que de toute façon, on n'a aucune chance, quoi. Après, c'est le côté héroïque, oui. Se disent, donnera la foi au peuple, puisqu'en plus ils sont en France à ce moment-là. Voilà, ça marche dans les films, ça marche pas en vrai, c'est tout. Mais ça marche même pas dans ce film, parce que quand il y a la liesse populaire à la fin, tu te dis pas mérité. Ils ont joué comme des planques. Mais c'est surtout qu'en vrai, je pense que les Allemands, ils auraient tiré dans le tas. Hein. En plus, ils auraient pas laissé les gens. Et puis les mecs envahissent le terrain, recouvrent les footballeurs avec des fringues, machin et tout, et ils arrivent à les sortir du stade, et tu te dis à quel moment c'est là que crédible, je te dis, c'est un film plus pour enfants ou pour famille, après-midi, avec les... Après, il fallait que ça soit gentil. C'est trop gentil. Regarde, toute l'histoire autour des évasions, ça fait papa Schultz presque. Alors toi, ah oui, moi je vais m'évader, alors j'ai un plan à vous proposer. Ok, on va étudier ton plan, et si il est valide, tu pourras t'évader. Et puis après, t'as un autre mec qui vient, ah ouais, nous on a un plan, alors j'avais pensé qu'on... Et tu dis, mais attends, c'est quoi ce truc? T'arrives, tu fais ton plan d'évasion, tu vas le soumettre au mec, il dit, oui, c'est bien, tu peux tenter le coup, on va regarder. Enfin, je sais pas, ça fait trop bizarre. T'as l'impression que chacun fait ce qu'il veut là-dedans. Et qu'il n'y a aucune répercussion. Oui. Clairement, à part au début où tu te dis, ah si, quand même, il y a un risque, ce qui est logique, de s'évader. Et après, non, t'as l'impression qu'il y a plus de risque. Parce que tu te dis, pourquoi le premier qui chope, il le flingue? Pourquoi Stallone, ils l'ont pas flingué quand ils l'ont récupéré, alors? Oui. Parce que lui, c'était, pour le coup, c'était vraiment barré. Alors que l'autre, il a juste passé les premiers barbelés, il s'est fait flinguer. Oui. Donc, mais tu ne retrouves jamais ce même niveau de cruauté plus tard dans le film, enfin, de la part des officiers allemands. Parce que le mec allemand qui est en charge du camp, il est plus... c'est un personnage assez intriguant d'ailleurs, que tu sens bien qu'il est pas très en accord avec la politique de son pays. Celui qui veut faire l'équipe de foot, enfin, il le dit lui-même à un moment que, en gros, il est là parce qu'il a pas trop le choix, quoi. Ouais, mais ils en font rien, ils en font rien d'aucun des personnages. Et tu t'arrêtes pas tellement sur le contexte de la guerre non plus en regardant ce film. Parce que c'est trop gentil, et donc ça c'est un petit peu nul, parce que je pense que c'est un début de premier de cette histoire, c'est de le replacer dans son contexte. Je trouve que c'est un peu un fail, mais c'est un film qui passe un petit peu à l'instar de Viens chez moi, j'habite chez une copine, où tu t'ennuies pas trop devant comme Wolfen. Non, il est quand même feel good, le truc. Ouais. Voilà. Il y a un petit côté... Oui, ça passe, ça se regarde, mais... Il n'y a pas de génie. C'est toi qui l'as choisi, pas... hein, Thomas. Mais totalement. Et j'assume le fait que il soit pas, ce soit pas un bon film. C'est vraiment moyennasse, hein, c'est clair. Le problème qu'a le film quand tu le connais pas et que tu vois juste un peu le pitch et puis que tu vois peut-être la bande-annonce ou le titre, tu t'attends à ce qu'il y ait un enjeu et que ça soit un truc sérieux, en fait. Que ça soit un film qui va être sérieux, qui va traiter la guerre sérieusement, qui va traiter cette espèce de rébellion-révolution. Enfin, essayer d'amener un truc qui va être vraiment sérieux. Et en fait, quand tu mates le film, tu te rends compte que, en fait, non, c'est assez léger, en fait. Il y a pas de... Les enjeux sont jamais méchants parce que tu te dis... T'as presque l'impression que, de toute façon, même à la fin, ils se seraient pas évadés. Bah, on leur aurait rien fait, malgré qu'ils ont battu... ils ont pas battu, là, pour le coup, ils ont fait match nul avec l'équipe d'Allemagne. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais... qu'il se serait rien passé, alors que quand tu prends l'histoire vraie de cette histoire-là, ça s'est pas passé comme ça. Hein. La Gestapo est passée derrière, il y a eu des rafles, il y a eu des morts. Enfin, ça s'est payé, ça. Alors que là, tu sens qu'il y a pas de, il y aura pas de représailles, quoi. En fait, c'est juste, c'est fun, quoi. Et c'est vrai que ça fait bizarre de dire qu'un film qui parle de la guerre, du traitement dans un camp de prisonniers et tout ça, ça soit aussi léger. Lisse, entre guillemets. Ouais, lisse et voilà. Léger. Ouais, d'où le sentiment Papa Schulz, quoi. Voilà. Un peu, ouais. Je sais pas. Alors, qui est Papa Schulz, vous arrêtez pas de le référencer. Bah, t'as pas connu la série, Stalag 13, ça s'appelait sinon. C'est une série américaine qui montrait la vie dans un camp de prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale, où en fait les prisonniers, sitcom un peu. Ouais, et puis les prisonniers faisaient tourner en bourrique leur geôlier allemand, quoi, qui était con comme des balais. C'est, voilà. Oh, d'accord, un truc comique, quoi. Oui, voilà, qui était clairement ouvertement pour se foutre de la gueule des Allemands, quoi. Oui. De la propagande alliée. La propagande alliée après la guerre. Oui, parce que Papa Schulz, ça date des années 60-70. Hein, donc, Ouais, voilà. Évidemment. Ce qui conclut, en fait, les quatre films pour l'épisode d'aujourd'hui, on n'a pas été trop long. Du Dr. March, c'est ça? Les quatre films du Dr. March. Joli stand. Allez, jingle blague. J'essayais d'être drôle. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, c'était gratuit. On n'en avait pas mis encore. Alors, je sais qu'aujourd'hui, vous voulez faire un petit débrief Nanarland. Est-ce que vous voulez faire d'abord Nanarland et puis Rocco Actu Goodbyes, ou bien Rocco Actu Nanarland Goodbyes? Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est compliqué. Ouais. Il y a deux options, littéralement. On va parler de Nanarland, mais on va en parler deux minutes, parce que comme tu n'y étais pas, Jess, voilà, on va... Après, voilà. Ça m'intéresse. Ouais, bah, grande réussite, hein, comme à chaque fois. Hein, voilà. Et comme les organisateurs de la nuit le disent, en grande partie dû aussi au public qui répond toujours présent et qui est toujours, enfin, c'est toujours bon enfant et très drôle, très à propos. Voilà, donc on a bien rigolé. On a vu. Alors moi, toi, tu en avais vu des films Storm, mais moi, j'avais pas vu les quatre. Moi, j'en avais vu deux, moi. Ouais. J'avais déjà vu Rocadienne et Crocodile Fury. Par contre, j'avais jamais vu le premier qui est... Fight of Fury. Merde, Fight of Fury. Alors là, c'était c'était quelque chose que j'avais jamais vu et j'avais pas vu les quatre Superman chinois. J'avais pas vu non plus ça. Enfin, les Superman chinois. Les Superman chinois. Mais, démarrer par Fight of Fury, c'était quand même quelque chose. C'était incroyable. C'était exceptionnel. Incroyable. Du montage comme ça, ouais. Des plans. Ah, on se plaint de plans dans Wolfen, là. Ouais, là... C'est du génie à côté. Ça ne ment pas, le plan avec la femme qui passe avec la poussette, ouais. Avec les deux couchés crevés, bah, c'est exceptionnel. Ah, les gens qui passent dans la rue à côté, regard caméra et tout, ouais. Qui disent « Ah tiens, il y a un film en train de se tourner. » Ok, d'accord. Improbable. Tellement improbable. Tellement drôle. Ouais, c'est drôle. Et puis le réalisateur, il a fait une petite pastille vidéo au début pour la nuit Nanarland et tout, en nous disant que voilà, il voulait faire la suite, il voulait faire le numéro 2. Et les gars de Nanarland ont dit bon bah voilà, il a des petits problèmes pour réunir le budget. Moi, si un jour je vois passer un Kickstarter, je mets 10 ou 20 euros parce que j'ai tellement envie de voir la suite. Il a dit qu'il viendrait l'année prochaine pour le présenter. Oui, oui. Sauf que c'est dans 2 ans, la prochaine nuit d'Anarland, donc ça va être compliqué. Est-ce que vous avez une idée du capital qu'il essaye de soulever? Sur le premier film, le budget du premier film, c'était 95 000 $. Donc, c'est pas avec tes 20 boules que tu vas. que tu ne sais pas où il a mis les 95 000. Hein. Ouais, enfin, dans sa poche, très certainement. Il n'y a que du décor naturel sur des. Et à l'extérieur, sur certains extérieurs, à mon avis, il s'est pas emmerdé à demander des autorisations de tournage ou trucs comme ça. Ou alors chez des copains. Quand tu vois chez des copains. Ouais, la base des mafieux là, dans le terrain vague, là, dans le terrain de la maison là, c'est une blague. Donc j'ai fait 3 nuits Nanarland, j'ai jamais autant rigolé qu'à celle-là. Parce que même les deux films du milieu étaient un peu plus un peu moins drôles. Il y a eu un karaoké, c'est ça, au milieu. Dans Rocalienne. C'était moins fun. C'était un peu moins fun parce qu'en fait les musiques, à part la première, les musiques étaient pas très connues. C'est un peu plus dur d'embarquer la salle. Mais il y avait quelques moments qui étaient quand même assez drôles, dans ça et dans les Superman chinois. Et puis le dernier Crocodile Fury, il m'a asséné par terre, les 20 premières minutes étaient très compliquées. J'étais en train de me dire qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce que c'est que ce truc, what the fuck. Et à un moment ça switch, ça part complètement en couille, et là moi les larmes n'ont pas arrêté de couler pendant jusqu'à la fin du film, tellement j'en pouvais plus. Avec des dialogues c'est hors norme, quoi. Tu peux pas avoir ferme ta gueule salope, tu ça sort comme ça, c'est... Les gars de Nanarland ont dit c'est un 2 en 1. On sait ce que c'est. C'est un film rajouté avec des morceaux d'un autre et tout. Spécialité de Godfrey. Est-ce que le montage était fluide ou pas? Pas du tout. Faut pas décoller non plus. et surtout, c'est un 2 en 1. Et en plus, en version française, c'est un nanar de doublage. Parce que la VF est exceptionnelle. Okay. Donc pas doublée professionnellement, traduite par. Peut-être doublée professionnellement, mais l'écriture du doublage, elle n'est pas du tout. Non, c'est par Grok. Ouais. À vivre. Ouais. Exceptionnel. Ouais. Donc. Du coup, vous étiez encore réveillé pour le dernier film. J'ai pas du tout fermé l'œil, j'ai pas du tout dormi. Incroyable. Fier de moi. Par contre, dans le train au retour, c'était une autre histoire. Ça, on va pas se mentir. Il y avait plus personne. Incroyable parce que les cuts et les bandes annonces étaient aussi top. Il y a eu des trucs ouf. Est-ce que Storm a dévalisé les stands de cadeaux? Absolument. C'est pas le genre de la maison. Et il l'a fait très très vite. Il est retourné au merch 3 fois ou 4 fois chez lui. Et il est revenu avec des t-shirts, des posters, des DVD, des bouquins. Je sais pas combien de thunes il a claqué. Incroyable. Et chaque fois, à chaque coupure, à chaque entracte, il revenait. Ah bah tiens, j'ai trouvé ça. Ah bah tiens, j'ai trouvé ça. Ouais, c'est plus fort que moi, ça. Donc, est-ce que ça coûte hyper cher, le t-shirt, c'est 15 non. balles. Okay, c'est non, honnêtement, y a, sur tout ce qui est merch, il n'y a pas d'abus. Non. T'as même des trucs qui sont hyper moins chers que si tu es... tu prends le collector des maîtres de l'univers, ils le vendaient 50. Donc le collector, t'as le film, des goodies, plus un livre. Donc un livre qui vaut 30 balles tout seul, déjà de base. Mmh. Donc ils te le vendaient 50 balles, alors que si tu l'achetais à la Fnac, il était à 80. Ah, donc c'est moins cher. Donc, okay. Ouais. Mais ils sont hyper pas gourmands, en plus les mecs de Pulse Vidéo, ça, ils sont super sympas. T'achètes 5 films, ils t'en filent un. Ah, t'as m'a pris ça, bah tiens, je te file ça et ça. Non, l'ambiance est top. Et vous serez donc forcément présent à la dernière. Bien sûr. C'est bon enfant, c'est bienveillant. Pour moi, c'est hors de question de rater celle dans 2 ans. D'autant qu'ils annoncent un feu d'artifice. Enfin voilà, ils annoncent comme étant best-of. Ça veut dire, normalement, d'après les indiscrétions, c'est qu'ils choisiront 4 films qu'ils ont déjà diffusés lors des nuits précédentes. Donc voilà, on peut s'attendre à du lourd, quoi. À du très lourd, je pense. Ouais. Et puis ça permet de voir les copains aussi, hein, que tu t'écoutes ou que tu enregistres des fois avec eux, tout ça. Bah là, tu les vois en vrai, tu peux discuter, c'est fun, on rigole bien. Ouais, on a ça. Vous voulez faire des dédicaces spéciales à certains podcasts On va dire un coucou à Mergrid, bien sûr, oui. Qu'on a vu. On va dire un coucou à Grey. Donne le nom de son podcast aussi, si vous voulez écouter Mergrid. À qui, à Mergrid? Oh, il n'a pas besoin de nous, hein, on va pas le faire. Planet of the Tapes. Si, c'est sympa. Il le fait pour nous, on le fait pour nous. Planet of the Tapes pour Mergrid. Dans le doute, reboot pour Gravelax. Grey et Gravelax. Grey et Gravelax. Gravelax est souvent invité dans pas mal d'autres pods, mais ça, c'est Gravelax, il orbite en fait. Gravelax dans partout. Grey pour Nanarologie et dans deux tributes. On a vu Jazz aussi. On a vu Jazz. On a vu on a vu Fry 3000. Oui. Voilà. On a vu Dantès. Hein, et Dantès évidemment aussi. Ouais pour. Donc Peggy 18 et iKick dans ton podcast, voilà. Ouais, ça fait. Et puis de loin, on a vu Stéphane Boulet et Marvin de Peak Cinéma, voilà notamment. Il y a comme chaque année du beau monde. Et puis évidemment, y a toujours du monde. Ouais. Toute la joyeuse équipe de Nanarland qui a fait un travail extraordinaire. Hein. Et cerise sur le gâteau. J'étais pas là, vous avez pas dû supporter ma présence. Non, mais beaucoup de gens nous ont dit que c'était dommage que tu ne sois pas présente. Voilà. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire dans 2 ans. Cœur avec les doigts. Tu sais ce qu'il te reste à faire dans 2 ans. Si on choisit bien les sponsors. Ils ont dit dommage parce que sinon podcasts. Ils t'auraient bulli si t'avais été là. C'est ça qu'ils voulaient dire. Okay, en fait. Bon, laisse tomber. Non. Vous pouvez financer alors le billet. Non, ça va. Mais moi, je connais que dalle à Paris parce que je devrais prendre l'Eurostar. Et une fois que je suis à la gare de l'Eurostar à Paris, je sais pas où c'est. Il faut C'est à 10 minutes à pied. Sérieux? Bah oui. On vient chercher s'il y a que alors ça, c'est pas un souci en plus. Non, 10 minutes à pied, c'est bon. Tant que la gare du Nord, elle est à 10 minutes du Grand Rex. Ça va, c'est pas. Puis tu n'as pas. Gare du Nord, moi, je. On arrive à Gare de l'Est. Ouais. On vient te chercher direct de la Gare de l'Est au Gare du Nord et puis on y va tous ensemble. Et puis tu viendras manger au resto avec nous. Ok, c'est jouable alors. Bien sûr. Ouais, tu pourras manger de la bonne cuisine, tu verras, c'est cool. Ouais, de la vraie. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Vous avez rien à rajouter sur Nanarland? C'était super vivement dans 2 ans, même si c'est dommage que ça sera c'est la dommage dernière. Que ça s'arrête, ouais, effectivement, parce que c'est tellement bien. Ouais, le boulot est abattu et top, tout le monde est gentil, enfin voilà, c'est un truc à faire, franchement, si, pour quelqu'un qui l'a jamais fait, c'est à faire au moins une fois. Ah ouais. Je pense que quand il va une fois, tu as pris ta dose pour y retourner après, quoi. Ok, on verra en 2027 peut-être. Bah, de toute façon, si tu viens pas en 2027, je viendrai jamais. C'est sûr. Voilà, ça va être compliqué. Là, t'auras une vraie excuse pour le coup. Mmh. Je peux pas venir, ça n'existe plus. Est-ce que on passerait pas à nos recos? Et puis on fera nos goodbyes. Les recos, je vais commencer avec Storm. Ah tiens, tout de suite, tiens. Ah bon, bah ok. Oui. je m'y attendais pas. Je t'ai dit, c'est moi qui choisis aujourd'hui. ouais, je vois ça. En reco, moi je vais vous envoyer sur Netflix. Donc je vais vous envoyer sur un manga qui s'appelle Sakamoto Days. Donc qui est là pour l'instant il y a 22, donc c'est deux saisons, on va dire, pour l'instant, mais c'est une saison mais qui a été coupée en deux par Netflix, donc c'est une seule saison, enfin, c'est deux saisons, une saison. 22 épisodes, où tu suis, en fait, un ancien assassin, donc considéré comme l'assassin de la légende, le meilleur assassin qu'il ait jamais eu au monde, et tout, et puis un peu à la John Wick, il va prendre sa retraite, parce qu'il va rencontrer une femme, voilà, il a sa fille, et puis il arrête définitivement. Et en fait, eh ben, il va être obligé de reprendre du service, parce qu'on va essayer de le tuer, sa tête a été mise à prix pour plusieurs raisons, et on va suivre ce mec. Et donc, la particularité qu'il a maintenant, c'est qu'avant, bah, c'était un super beau gosse, quoi, et puis là, bah, c'est devenu un petit peu un petit fat, un gros fat, tu vois, qui ressemble à rien. D'accord. Sauf que le mec, il déglingue tout. Et honnêtement, 22 épisodes où on regardait ça avec la femme en mangeant, c'est excellent. Tu te fends la gueule parce que c'est hyper... Il y a des moments sérieux, mais c'est hyper fun, ultra décomplexé, complètement con, avec des bagarres de ouf, des trucs où limite même John Wick, c'est, ça fait rigoler à côté. Et honnêtement, je conseille, c'est super fun. Ça me tente. C'est des épisodes de 20-30 minutes? Ouais, ou c'est du long format manga, okay, classique, ouais. C'est une vingtaine de minutes. Voilà. C'est parfait quand tu manges. Ça se regarde tout seul. Ouais, non mais sérieux, et ça se regarde tout seul, tu rigoles bien, il y a des bonnes vannes, enfin franchement c'est top. Moi je pense qu'on s'est vraiment bien fendu la gueule. Hein. On a binge watché ça. Binge watché. Voilà. Et honnêtement, ça passe tout seul. Est-ce que tu peux vite me répéter le titre? Je vais l'écrire. Sakamoto Days. Sur Netflix. Okay. Peut-être qu'il sera pas... C'est peut-être juste en Netflix France, mais je vais check. Je sais pas, mais honnêtement, c'est fun, tu rigoles bien. Merci à toi. Thomas, une petite reco. Oui, un spectacle qui s'appelle « Dans la nuit, liberté ». C'est un spectacle en plein air, joué par une toute petite troupe de 200 ou 250 comédiens. Ah oui, ça va. Voilà, ça va. Hein, ça, alors, oui. Comment... Dans l'esprit, c'est un petit peu Cinécénie puis du fou, pour vous donner un petit peu le contexte. Ah ouais. Sauf que, loin de toutes les saloperies qu'on voit au Puy du Fou, là, c'est plutôt respectueux de l'histoire, puisque ça se passe, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça dépeint, en fait, la vie d'un petit village qui est situé... Avec historiquement, un match de foot qui est, non, pas vraiment. Qui est situé... il y a une course cycliste. Qui est situé, qui est situé au nord de Nantes et donc qui convoque l'histoire de la guerre de la Seconde Guerre mondiale pendant l'occupation avec tout ce que ça a pu avoir de conséquences derrière et ça démarre au moment de la déclaration de guerre. Donc avec après la capitulation française et puis la vie sous l'occupation jusqu'à août-septembre 44 et la libération de la région. C'est très bien fait, donc il y a des décors en fait qui sont amenés par des machinistes, tu vois, c'est sur roues, donc t'as des maisons, des grands décors, tu as des vrais véhicules de guerre, il y a des chars allemands et des chars Sherman américains et tout, c'est avec des effets un petit peu pyrotechniques aussi, et ça te raconte toute cette histoire de 5 années de guerre dans Nantes et la proximité dans la campagne environnante. C'est vraiment super bien fait, c'est très bien écrit, très bien réalisé et surtout c'est dans un format très réduit. Il y a à peu près 1200 places sur la tribune. Donc pour chaque spectacle, donc c'est pas beaucoup de spectateurs et il y a que une dizaine de représentations chaque année entre grosso modo le 20 août et le 10 septembre, tu vois. Donc alors c'est pas très facile ta recommandation quand même. Déjà, il faut venir à côté de Nantes et puis il faut venir pendant ces dates. Il faut venir pendant ces dates là absolument. Mais c'est pas le plus simple. Et c'est là que ça peut être intéressant si des gens veulent s'y prendre à l'avance. C'est que Tom a une politique de porte ouverte dans sa maison et il vous hébergera. Il a un petit Airbnb. Pas forcément hein, parce que j'héberge pas n'importe qui. Mais par contre, pour se procurer des places, eh bien, la billetterie ouvre à partir du 1er octobre 2025 pour l'été 2026. Ça, cool, ça, donc ça permet vraiment de planifier sa venue. C'est un spectacle qui dure plus de 2h10, et il y a une possibilité éventuellement de moyennant réservation aussi, parce qu'évidemment le spectacle tu te pointes pas sur place si t'as pas tes billets, hein, c'est pas la peine, hein, c'est sold out tout le temps, mais t'as la possibilité de manger sur place le soir. Avant chaque représentation il y a un dîner sous chapiteau qui est prévu avec des petites animations et tout. C'est vraiment incroyable et c'est associatif. C'est une association qui fait ça, pour faire vivre un petit peu la mémoire historique. C'est la 10e année qu'ils font le spectacle. Avant ils faisaient d'autres spectacles historiques, mais qui traitaient pas de la Seconde Guerre mondiale, et ils ont a priori encore prévu de faire ce spectacle pendant au moins 5 années. Voilà, donc donc je t'enverrai, Jess, le site internet du l'asso, comme ça on pourra mettre le lien dans la description si jamais il y a des gens qui sont hypés par le truc et qui veulent venir dans la région fin août 2026. C'est vraiment un truc, enfin j'ai vu quelques spectacles, mais là on est sur du haut niveau quand même, hein. Certains moments sont assez poignants, je veux dire la lecture de la lettre de Guy Môquet qui est faite, notamment, et puis à la fin des chants de liberté, le chant des partisans, ce genre de truc, c'est assez, assez sympa. Et surtout, c'est ce qu'ils disent pour conclure le spectacle. Dans la période qu'on vit actuellement, depuis quelques années, ne pas oublier ce qu'a été le racisme, le fascisme, etc., et ce à quoi ça a mené, c'est pas mal de se le garder en tête. Je pensais que la majorité des gens gardaient ça en tête d'une manière générale. C'est assez choquant de se rendre compte qu'en fait, non. Tu trouves pas ? Pas vraiment, non. Tu trouves pas ça choquant ? Ah bah si, je trouve ça, oui. Non, je disais pas vraiment, effectivement, que les gens n'aient pas gardé ça en tête. Ah oui, ouais, effectivement. Oui, ok, totalement. On est d'accord. Je pensais que t'étais là, non, ça me choque pas. C'était non, tellement nihiliste que t'étais là, c'est quoi, non, non, le fascisme, ça me choque pas. Non, pas tant le fascisme, mais plus le fait qu'on ait oublié comment le fascisme commence et comment ça s'installe, et que c'est pourtant il n'y a pas tellement longtemps, et que c'est comme si on avait oublié l'histoire. Je me dis, c'est le propre de l'homme, ça. Ouais, mais c'est là que je dis que j'étais choquée. Et je croyais que Tom me disait, moi ça me choque pas, je m'attends à ça de la part de la nature de l'être humain. soit, moi je vais vous faire une reco télé, enfin télé, une série qui est sur Apple TV et qui s'appelle Slow Horses. J'en parle parce que la nouvelle saison vient de démarrer. C'est une série qui... Non, c'est une série d'espionnage. Une série d'espionnage anglaise, où tu retrouves notamment Gary Oldman, Christine Scott Thomas, Jack Lowden, mais je ne sais pas si ça vous parle, c'est beaucoup d'acteurs anglais, et il y a Jonathan Pryce aussi. Okay. Ça parle de quoi ? En gros, tu as une cellule du MI5 avec tous les espions dont ils ne savent plus quoi faire parce qu'ils ne sont pas forcément hyper compétents, ou alors ils ont subi des traumas tels dans le field qu'ils sont plus capables de vraiment bosser pour le MI5, mais je connais non, on n'est pas là-dessus. T'as cette équipe de misfits qui est commandée par Jackson Lamb, qui est interprété par Gary Oldman et qui est absolument génial. Pour moi, c'est le rôle de sa vie, ce rôle-ci. Il est cette espèce de vieil espion bedonnant qui boit trop, qui pète, qui a des trous dans ses chaussettes. Enfin, qui traite tout le monde comme de la merde, mais qui est super intelligent et qui est quand même qui se rend bien compte de ce qui se passe autour de lui. Et donc de saison en saison, son équipe de misfits va en effet devoir se retrouver impliquée dans des histoires d'espionnage. Et c'est super bien écrit. C'est tiré de romans qui je pense les romans c'est Slough House. Je vous la conseille, mais je me doute que beaucoup de gens la connaissent parce que les performances sont juste extraordinaires. Tout le monde est brillant, l'écriture est époustouflante. Je n'ai que des choses positives à dire sur cette série et j'ai trop hâte de me lancer dans la nouvelle saison. Mais je crois que je vais attendre que tout soit sorti pour la binger parce que une fois que je rentre dans l'univers de Jackson Lamb, j'ai pas envie d'en sortir et j'aime bien avoir des heures et des heures de contenu avec Jackson. Je vous la recommande, elle est sur Apple TV+, J'ai conscience que c'est un peu chiant parce que c'est pas la plateforme qui a le plus de contenu et les gens n'arrivent pas à justifier le prix en fait de l'abonnement parce que tu te dis il y a pas beaucoup de contenu. En fait, tu t'abonnes à moi, ouais. tu mates tout ce qu'il y a à regarder, ouais. Puis tu te désabonnes. Voilà, ouais. C'est ça, ouais. Apple. Ou si tu es abonné Canal, bah, tu as l'accès à ouais, Apple TV+. Ok, vous avez des possibilités. Ben, si vous avez accès à Apple TV+, c'est une des meilleures séries sur la plateforme, je vous la recommande. Ben, je la connaissais pas, donc je me la suis mis. À toi, Thomas, tu vas adorer. Je me la suis mis en cocher là pour regarder ça. Et donc c'est j'allais présenter Flo, mais non, pas de reco de Flo cette semaine. Passons à nos actus. Thomas, qu'est-ce que t'as de frais, de neuf? Eh bien, si cet épisode de date de sortie sort le 1er octobre, comme tu nous l'as promis, hein, Jess, dans ta frénésie de montage, eh bien, sortira le même jour un épisode des Baby Gravers où nous traitons d'un film documentaire qui s'appelle The Soul of a Man sur le blues, voilà, le blues aux États-Unis dans les années 30. Voilà, c'est un documentaire de Wim Wenders. Ah, mais lui, je l'aime bien. Ok, à voir, parce que par contre, le sujet du reportage, je suis pas sûr que ce soit... C'est un peu niche, tu vois. C'est totalement... c'est dans les années 30. C'est même totalement niche, ouais. on est d'accord. J'ai cru que c'était un documentaire sur Ben l'Oncle Soul, moi. est-ce que tu veux aussi faire un doublon et faire la pub de ton podcast avec Flo, vu que Flo n'est pas là pour le faire. Date de sortie drôle vraiment, et vous trouvez ça drôle vraiment, sortira lui le 15 octobre, et nous avons Gravelax en invité, et nous avons parlé du film de la comédie française des années 80, qui s'appelle Gros Dégueulasse. D'où le petit clin d'œil, salut fausse blonde en début d'émission. Ouais, j'ai hâte de pouvoir d'avoir les références pour comprendre une blague qui a déjà été faite dans le passé. Absolument. Super. Storm, petite... Ah bah oui, t'auras des actus, possiblement. Ah bon? Ah non, c'est vrai que l'épisode de DAS de sortie va sans doute sortir avant... Il sortira certainement... L'épisode de l'antre... Oui, il sortira certainement avant. Donc, on aura notre prochain épisode de l'Entre de la Peur qui va sortir donc courant octobre. Je pense si on a de la chance avant la première quinzaine d'octobre, je pense qu'on devrait arriver à le mettre. Enfin, je sais pas. J'espérais en ayant la première semaine d'octobre, ouais. Ouais, on devrait. Hein, voilà. Ouais. Donc, qui traitera de Silent Hill, donc. Et avec un invité. Alors, on peut dire l'invité ou pas? Je sais pas. Oui, on peut, puisqu'on a teasé sur... Enfin... sur les réseaux. Oui, bah vas-y, je te laisse. Ah bah oui, on a eu la chance d'enregistrer avec Fabien ou Dantes du podcast Peggy 18 qui est venu parler Silent Hill avec nous et qui est venu surtout combler nos lacunes en jeu vidéo parce que moi, en jeu vidéo qui fait peur, je suis une novice. Voilà. Ok, moi, niveau actu, j'ai un épisode de Couch Upstairs qui va sortir bientôt dans lequel on parle des films Le Dernier des Mohicans et Old Boy. Et pour notre prochain épisode, on va aborder. Ouais, on a rigolé! Ah, les deux films, on a dit que des comédies, on avait dit. Ouais. Après, Le Dernier des Mohicans, moi je m'attendais à une fresque épique et tout. C'était un petit peu une comédie romantique. Enfin, non, pas une comédie, mais c'était romantique, quoi. C'était chiant. Enfin, c'était pas chiant, mais c'était pas ce à quoi je m'attendais. Oui. C'était pas la fresque épique que j'espérais. Et notre prochain épisode sera dédié au film Charlie's Angels, tu vois, le premier des années 2000. Ah, j'allais dire le ouais. Et puis Full Monty, de Full Monty, qui était mon choix parce que mon pote ne l'a pas vu, je comprends pas, mais qui est un fun film anglais. Tu vois, tu fais pas. Ouais, alors les comprends pas, j'ai pas vu moi ça, je relève plus maintenant. T'as pas vu? Mais si, j'ai vu Full Monty. Non, mais quand tu dis je comprends pas qu'on ait pas vu Full Monty. Non, juste parce qu'on a grandi à la même époque et qu'il me semble que The Full Monty avait fait énormément de bruit. Ah oui. Ça me paraît bizarre qu'il soit passé à côté, tu vois. Je me dis, c'est fou. Ça a pourtant bien peut-être. Marché. Ouais. Bah il marchait bien, Full Monty. Mais fun, du coup, j'ai fun. Hâte qu'il le découvre parce que je pense qu'il va bien rigoler. Oui, il est fun. Et ben voilà, on a tout bouclé, les gars. Je pense qu'on peut faire nos goodbyes. Est-ce qu'on fait la bise à Flo et on lui dit désolé, on n'a pas été trop méchant avec Flo? Bah non, parce que nous on l'aime bien, nous.